Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 74e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et pour cette nouvelle émission, qui va être un petit peu hors sujet, on va pas se le cacher, j'accueille Laurent. Salut Lolo. Salut tout le monde. Comment vas-tu mon petit Lolo ? Oh ben moi ça va, nickel. Il y en a pas mal qui sont fébriles en ce moment. Est-ce que tu pleures des larmes salées un petit peu en ce moment ? Que tu veux dire que j'ai mal au cul un peu, ouais. Ouais, un peu mal au cul. Voilà. Comme si tu t'étais pris une bombe dans les fesses, quoi. C'est ça. Tu peux dire ça. Je dirais une bombe atomique avec toutes les radiations qui vont autour. je te rassure, t'es pas le seul, bah, t'inquiète. Et aussi, nous avons un revenant, notre expert technique, et c'est Johan. Salut Johan. Et salut tout le monde, bonsoir. Bonne année. Ouais, bonne année. Ouais, c'est vrai qu'on a jusqu'à fin janvier pour ces conneries. Et ben ouais. Exact. On l'a déjà dit la dernière fois, je crois. Ouais, mais bon, il était pas là. Et bah écoute, bonne année, Johan. On est content de t'accueillir à nouveau sur le podcast. Avec plaisir. Merci à vous. Tu vas nous faire un retour, ton retour d'expert sur la question. À savoir évidemment. On va dire le cataclysme qu'il y a eu ces derniers jours dans le monde du jeu vidéo. Le tsunami. Une révolution pour certains. En tout cas, quelque chose qui va avoir des répercussions fortes, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, sur l'avenir du jeu vidéo. Et donc, du coup, on va revenir un petit peu là-dessus. C'est évidemment le rachat par Microsoft de Activision Blizzard. J'ai même du mal à le dire tellement ça me perturbe. Et donc voilà, pour une somme record, bien évidemment, on ne va pas être les premiers à en avoir parlé, je pense. Mais voilà, on va nous donner un petit peu nos ressentis là-dessus et puis les possibles répercussions que ça pourra avoir sur le jeu vidéo en règle générale, mais surtout sur ce qui nous intéresse nous, c'est-à-dire la réalité virtuelle. Parce que forcément, tout ce genre de décision, tout est lié et voilà. On reviendra de toute façon, on va suffisamment débattre là-dessus dans cette émission. Mais avant cela, on va commencer un petit peu par vous rappeler les bases. Hein, c'est-à-dire que Autour d'un VR, c'est un podcast que vous pouvez retrouver évidemment sur VR for Player, que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes applications de podcast. Que si vous voulez nous soutenir, suffit de noter le podcast sur toutes les applications. Tant qu'à faire, bien les noter. Et puis comme ça, ça nous aidera pour le référencement. Une émission que vous pouvez retrouver également en vidéo sur VRAC. Alors, il n'y a peut-être pas forcément cette émission-là sur VRAC pour une question de technique, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, ça existe. Vous pouvez interagir avec nous, nous poser des questions, donner votre avis, surtout, c'est le plus important. Nous faire des retours critiques aussi sur l'émission. N'hésitez surtout pas. Vous avez aussi la chaîne, bien entendu, principale de VR for Player. Un truc aussi, on nous a reproché de pas suffisamment le mettre en avant, surtout après la diffusion de gros dossiers de la part de Laurent, c'est le Tipeee de VR for Player qui existe. Et qui est donc, il y a le lien directement sur le site VR for Player. Si vous voulez nous aider financièrement pour du matos, pour pouvoir faire des soirées privées avec du champagne et de la coke, faut donner. Tout est bon à prendre. Et des femmes, voyons. Bien entendu. Ouais, mais tu sais, mais en 2022, faut faire gaffe à ce que tu dis. Ouais. L'alcool, la coke, tu peux. Ouais, voilà. Fais gaffe, tu peux passer pour un gros con très rapidement. donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va faire le tour rapidement sur ce qui s'est passé sur VR for Player ces deux dernières semaines, à savoir les informations sur Zenith The Last City, le MMORPG VR qui va sortir à la fin du mois sur PlayStation VR, notamment. Vous pouvez retrouver l'article. Vous pourrez retrouver évidemment l'énorme dossier de 45 minutes super intéressant de Laurent 50, sur 50 minutes. 50 minutes. Bah tu vois, j'ai craqué à 5 minutes de la fin. Non, je déconne. Non, mais à la fin, c'est vrai que c'est surtout du trailer. C'est du trailer. Voilà. Mais voilà, tout ce que vous voulez savoir, tout ce qu'on sait sur le PlayStation VR, tout ce qu'on ne sait pas aussi sur le PlayStation VR et les questions que ça pose, vous pouvez les retrouver évidemment sur VR4Player et sur notre chaîne principale. Et puis évidemment aussi, enfin, le test de Song in the Smoke de l'ami Majo, que vous pouvez retrouver aussi, qui se tape quand même une note de 8,5. Mon salaud. C'est ça. Et bah, il s'est fait plaisir. Donc pour lui, c'est son goutti, ça. Ah ouais, avec le petit logo top, donc il est dans les comment je les appelle déjà, les incontournables des jeux PlayStation VR. Ouais, c'est ça. Voilà, un test qui dégueule d'amour dans tous les sens pour ce jeu-là. Voilà, bah, tant mieux. Hein, ça fait du bien quand même d'avoir des bonnes références comme ça qui sortent sur PSVR. Même si, hein, Majo, hein, si tu nous écoutes, j'ai réessayé, hein, parce que tu m'as quand même bien donné envie de les réessayer, ce jeu-là. J'ai essayé, j'ai tenu une demi-heure, voilà. Bon, mais chacun son truc, hein. Il y en a qui préfèrent assassiner des gens sur Hitman, et il y en a d'autres qui préfèrent faire des slips en peau de kangourou sur Song in the Smoke. Chacun son truc, et on te fait des gros bisous. Ensuite, on va commencer par les news. Juste pour vous dire, je pourrais pas être avec vous pendant toute l'émission, malheureusement, pour des questions personnelles. Donc je vais vous laisser à un moment, je pense, pendant le dossier principal, à savoir le rachat de Microsoft. Et donc je vais commencer du coup par l'annonce de la sortie d'un mode VR sur PC pour un jeu et un type de jeu, surtout où je m'attendais pas du tout qu'il puisse y avoir un mode VR, et ça me fait vraiment plaisir, c'est Life is Strange Before the Storm. C'est un mode qui a été fait par un modeur de talent encore, qui s'appelle Treff TV. Je sais pas, vous avez regardé un petit peu les images de ce truc là ou pas? Pas du tout. Moi ça m'intrigue par contre, parce que j'avais, tu sais, quand Detroit Become Human était sorti, j'avais envoyé pas mal de tweets à David Cage pour savoir s'il y aurait de la VR, mais on était déjà en 2017. Et on m'avait expliqué que justement sur ce genre de scénario, des jeux scénarisés, c'était très difficile à faire. C'est pour ça que je serais intéressé de voir ce que ça peut donner sur Life is Strange. Life is Strange. Ouais. Et toi, Johan, t'as regardé un petit peu, non? Non, j'avoue, j'ai pas eu le temps, désolé. Ouais. Bah, c'est sorti il y a 2-3 jours, hein, je crois, donc c'est vraiment très très récent, il n'y a pas encore beaucoup de vidéos. Mais grosso modo, c'est donc toutes les phases d'enquête et où on contrôle le personnage en temps réel. On a un jeu donc en vue subjective, alors que le jeu de base c'est pas du tout un jeu en vue subjective, avec donc les contrôles qui se font avec les contrôleurs, donc c'est du motion gaming, et ça a l'air de fonctionner super bien. Et toutes les phases narratives, donc on va dire 75% du jeu, bah par contre c'est un écran plat, un écran cinéma plat en face de toi pour profiter de la mise en scène. Voilà, c'est pas comme Resident, les derniers modes Resident Evil 2 et 3 qui sont sortis, où même les cinématiques sont en VR temps réel, où on peut se balader dedans quasiment. Là, ils ont, voilà, il a plutôt opté pour un visuel, on va dire, plus classique pour les jeux de type narratif. Mais en tout cas, ce genre de jeu-là, vraiment, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un mode VR. En tout cas, que quelqu'un ait l'idée de me proposer un mode VR, même, je trouve ça plutôt bien, quoi, et plutôt rafraîchissant d'avoir des essais comme ça. Que des modeurs essayent des jeux dont on s'attendrait pas du tout à ça et qu'ils essayent. C'est justement avec ce genre de truc que tu te dis ça fonctionne, et puis ça peut attirer l'attention sur des studios de développement après derrière. Ah ouais. Donc, en tout cas, j'espère que ça va donner des idées aux développeurs des jeux de base pour pouvoir proposer ce genre de choses là. Donc voilà. Ça a l'air vraiment bien. Je regarde des images à côté du coup. Ouais. Ça a l'air vraiment cool. Hein. Ouais, franchement, ça le fait. Hein. T'as l'impression que le jeu a été fait pour ça. Alors après, le jeu est pas gourmand, hein, parce que c'est le moteur de Life is Strange, le premier. Donc Unreal 3, je crois. Je sais même pas. Peut-être bien, ouais. T'as peut-être raison. Je crois que le premier, oui, mais c'était Unreal 3 le premier. En tout cas, voilà, c'est un moteur léger. C'est un truc que voilà, tout le monde peut essayer. En tout cas, voilà, c'est gratos. Si vous avez un PC, un casque VR PC et le jeu, foncez. Au moins, essayez, rien que pour la découverte et pour la curiosité. Okay. Ensuite, mon petit Lolo, je vais te passer la main, car nous allons parler de Ken Kutaragi, le génie inventeur de la PlayStation, qui a ouvert sa bouche aujourd'hui, qui a parlé pour dire une connerie. Donc Voilà. Donc, alors hier, comme donc on va en parler tout à l'heure, hein, hier avant-hier, il y a eu l'énorme annonce de Microsoft avec le rachat d'Activision, ce qui a quand même mis Sony un petit peu sur les genoux parce que toute personne s'y attendait, c'était la grosse surprise. Et sur la mâchoire, j'aurais dit même. Voilà. Oh. Et étrangement. Aujourd'hui, donc le lendemain de l'annonce, eh ben, il y a l'ancien directeur même de Sony, alors c'était pas Sony Interactive Entertainment à l'époque, je sais plus comment il s'appelait, mais disons que donc le créateur de la première PlayStation, Ken Kutaragi, qui a été interviewé par Bloomberg et qui a balancé deux scuds directement à la réalité réalité virtuelle, donc le métaverse et les casques de réalité virtuelle, donc le PSVR et le PSVR 2 avec tous les autres casques. Donc il a déclaré le métaverse cherche à rendre le monde virtuel réel et je ne vois pas l'utilité de faire ça. Vous préfériez être un avatar plutôt qu'être vous-même, point d'interrogation. Oh. Là c'est ouais. Un petit pic qui balance directement dans la tête à Mark Zuckerberg. Et puis le deuxième truc, c'est carrément tout le monde qui en prend plein la gueule, hein, y compris Sony. Les casques de réalité virtuelle vous isolent du monde réel, ça nous rappelle quelque chose, et je ne peux pas être en accord avec ça. Les casques de VR sont juste emmerdants, on peut le traduire par ennuyeux aussi, voilà. Plutôt ennuyeux, on va dire. Donc là par contre, venant quand même d'un directeur de PlayStation balancer ce genre de truc. Bon, alors le monsieur a 71 ans, il a été à la tête, donc je crois qu'il est parti, ça devait être en 2007 ou 2008, de Sony, il me semble, je veux pas dire de bêtises. Sorti de la PS3. Ouais, donc ouais, c'est étonnant, enfin, moi, ça m'a choqué déjà que quelqu'un de chez PlayStation, même un ancien, balance des trucs pareils. L'autre truc qui me choque, c'est pourquoi les journalistes sont allés le chercher aujourd'hui pour lui poser des questions sur la VR. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, ce que j'en pense, c'est déjà tout ce qu'il dit contre la VR. Au niveau du métaverse, est-ce que vous préférez être un avatar ou alors être une réelle personne? Je veux dire, c'est l'essence même du jeu vidéo, que ce soit plat ou que ce soit en VR. Depuis tout le temps, depuis les Sims, on est un avatar, on se projette sur un héros d'un Uncharted ou de n'importe quoi pour vivre des aventures qu'on ne pourrait pas vivre dans la réalité. C'est exactement la même chose pour la VR. Pour moi, c'est non recevable, c'est vraiment non recevable. Le mec qui a mis au point la PlayStation, qui a lancé toute une génération de gamers à l'époque. Avec la 3D et l'immersion dans les mondes virtuels, que le gars dise ça de la réalité virtuelle, pour moi, c'est pas, juste pas recevable. En tout cas, c'est pas cohérent. C'est clairement pas cohérent. J'ai pas envie d'être médisant, mais tu vois, Abraham Simpson, le père d'Homer, c'est de la merde, mon époque, mais voilà. Ouais, ça, et ouais. En fait, de prime abord, c'est un petit peu cette image-là que j'ai. Je trouve ça vraiment dommage, je trouve ça un petit peu pathétique, et je pèse mes mots, qu'il chie dessus. Alors après, ce que tu as essayé d'expliquer, c'est-à-dire que l'interview a eu lieu 2 jours après une annonce fracassante qui met Sony vraiment dans la merde, hein, y a pas d'autre mot. Ouais. Coïncidence ? Certainement coïncidence. Mais c'est une question, c'est drôle que ça arrive aujourd'hui, ce genre de truc. Il avait toute l'année pour balancer ça. Ouais. C'est tout à fait étonnant. C'est même pas lui en fait, c'est parce que lui mec, c'est un mec de 71 ans. C'est pourquoi les journalistes sont allés le questionner aujourd'hui, au lendemain de cette annonce, quoi. Alors pour info aussi, il est donc maintenant PDG, parce qu'il continue de bosser quoi, mine de rien, sur une entreprise qui s'appelle Ascient et qui s'occupe de robotique et de développement d'intelligence artificielle, donc plus grand chose à voir si ce n'est de loin avec le jeu vidéo. Ouais, comme s'il avait été repêché pour je sais pas, mettre du sel un peu. Tiens, on va aller l'interviewer lui au lendemain pour voir. Et puis s'il sort une connerie, on le publiera, quoi. Moi, je vois ça comme ça. Ouais. Après, c'est son avis. C'est un avis aussi qui a quand même beaucoup de résonance par rapport à ce que dit Phil Spencer depuis des années concernant la réalité virtuelle, qui utilise les mêmes mots, c'est isolant. C'est pas le seul après dans l'industrie à mettre des bâtons dans les roues de la réalité virtuelle. Hein. C'est pas le méchant Spencer contre le reste du monde. Mais c'est bizarre. Je sais pas ce que t'en penses toi, Yohan. Mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Après, le truc qu'il y a quand même, oui, c'est son avis, c'est un avis personnel, avec tout ce qu'on veut, blablabla, blablabla, quoi. Mais reste quand même la façon dont c'est... Enfin, moi, là, je regarde un peu sur Twitter, sur Google, sur tout ce qu'on veut, c'est le président de la PlayStation qui dit que... Enfin, alors après, on peut se dire, oui, c'est les journalistes, c'est ceci, c'est cela... Mais je pense quand même que quand on a été un dirigeant comme lui, on sait très bien comment en général nos phrases sont nos phrases peuvent être tirées d'un contexte pour faire les gros titres quoi. Enfin, c'est quand même pas parce que je veux dire on dit il y a le lendemain de ce qui s'est passé avec le rachat d'Activision Blizzard, mais on est aussi je dirais le surlendemain parce que c'était quand même au début de l'année d'une conférence du CES de Sony où pas grand monde ne s'attendait à ce que PlayStation prenne la parole avec Jim Ryan pour parler quand même du PlayStation VR, et ça a fait, sans dire que ça a été une annonce comme la sortie d'une console ou comme le rachat de Microsoft, ça a quand même été une prise de parole qui a été très appréciée, qui a été très relayée, ouais. Très commentée, très très bien vue, surtout un début d'année pour Sony avec la présentation du premier jeu Horizon, alors j'ai oublié le nom. Call of the Mountain. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, ça colle plutôt bien, puisque un mois après, donc il y a Horizon Forbidden West qui sort sur PlayStation 5. Donc je veux dire, ça arrive à un moment aussi où Sony commençait quand même globalement plutôt bien son début d'année en termes de communication et principalement sur la VR. Et quelques mois, si je ne m'abuse, je crois que c'était en novembre où Phil Spencer avait donné une interview en disant que la VR pour lui c'était toujours niet, enfin pour lui, pour Microsoft c'était toujours niet quoi. Donc oui, après des coïncidences c'est toujours possible, mais là c'est quand même gros, sachant que ça cette interview tombe le au bon moment en début de soirée tombe au bon moment et tombe en début de soirée du même jour où en matinée, si je ne dis pas de bêtises, on avait la première réaction de PlayStation. Enfin de Sony, même pas de PlayStation, de Sony par rapport au rachat de Microsoft, et est-ce que les jeux d'Activision Blizzard continueront à sortir sur PlayStation, etc., etc., etc. Ça fait quand même beaucoup à force pour être juste une simple coïncidence en l'espace de 3 semaines de communication. Tout ça tient sur 3 semaines quand même. Hein. Non, et puis il y a aussi le petit côté, la VR isole du monde réel, je ne peux être en accord avec ça, les casques de VR sont juste emmerdants. On peut se rappeler donc ce monsieur quand même qui en 2000 avait lancé la PlayStation 2, avait quand même déclaré « Le film Matrix représente assez bien ce que nous imaginons. Dans Matrix, ce qui se traduisait dans le réel avait une correspondance dans le cybermonde et vice-versa. Nous voulons améliorer la communication entre les hommes. » Il avait quand même pris comme exemple le Matrix en 2000. Donc là, qui viennent chier sur la VR, le lendemain de cette annonce de Microsoft, c'est quand même un peu gros. Le pire, c'est qu'il y a des mots clés. Le mot clé, c'est le créateur de PlayStation, donc créateur PlayStation. En plus, tu as VR, tu as multiverse. Multiverse, c'est un mot à la mode qu'il faut fracasse. Et en plus, il critique. Donc là, il y a tout pour faire un truc qui va faire le tour d'Internet dans les 2 jours. Donc à mon avis, quand le podcast sera sorti, ça aura fait le tour d'Internet. Parce que là, ça s'enflamme aujourd'hui. C'est clair. Tous les sites auront leur article dessus. En c'est cas, ça. C'est sûr et certain. Et nous, on n'en parlera pas, par contre, sur notre site, parce que c'est de la merde. Ouais. Bah, on en parle là, déjà. Parce on que, en parle là. Parce que ça reste de l'information, ça reste du contrôle d'information, de la gestion d'information, ça reste du buzz, ça reste important quand même, ça reste de la communication et c'est extrêmement important. Donc voilà, c'est pour ça qu'on tenait à vous le dire, c'est tout frais, hein, ça vient juste de tomber. Donc voilà. Ok, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter là-dessus Non. Non, il y a rien d'autre à dire. On pourra en reparler dans la prochaine émission si vraiment ça a fait un carnage complet au niveau médiatique, mais bon, pour l'instant on a tout dit. Voilà. Bon, on verra du coup ce que ça donne. On va laisser chauffer à feu doux et puis on verra bien dans deux semaines ce que ça a donné. Eh bien, messieurs, hein, on va passer au gros du débat, à savoir, bien entendu, que devient Stadia ? Non, parce que ça, ça intéresse tout le monde. Ah non, on me dit dans l'oreillette que tout le monde s'en fout. Ok, bon, on va parler du coup de Microsoft et du rachat de Activision Blizzard, qui est tombé pour 68. C'était quoi, 1,7. Ouais. C'est quoi, milliard, c'est ça ? Milliard. C'est ça, milliard. Milliard. Hein. 68,7 milliards de dollars. Voilà. Le budget de l'éducation nationale en France. Quoi. Le truc improbable. C'est bien de mettre les choses en perspective comme ça. Ouais, mais oui. Et je crois que c'est même plus. C'est 60 milliards. C'est 60 milliards même le budget. Je regarderai. Voilà. C'est 60 milliards tout pile. Donc il y a même un peu de rab. Bah, remarque, on cherche des profs en ce moment. Donc, Ah bah voilà. C'est dans les 8 milliards qui restent. À titre d'exemple, 60 milliards, c'est la capitalisation de Nintendo. Putain. Ouais, non, mais donc voilà, là, ils ont donné 68,7 milliards. En fait, c'est pas vraiment imaginable à hauteur d'homme en fait. On peut pas vraiment. C'est hallucinant. En préambule à cette partie d'émission, je tenais à rappeler, si ce n'est nécessaire, que VR4Player est un site spécialisé sur le PlayStation VR. Sur la réalité virtuelle, quand on essaye de parler un petit peu d'autre chose que du PlayStation VR, c'est-à-dire la VR sur PC, sur Quest, etc., on ne se gêne jamais pour donner nos avis, que ce soit en bien ou en mal, de n'importe quel constructeur, de n'importe quelle plateforme, de n'importe quel casque, de n'importe quel jeu, que ce soit Sony, ou que ce soit Microsoft, ou que ce soit Facebook, ou que ce soit Nintendo, ou n'importe quoi. Quand on a un truc à dire, on le sait. On ne va pas parler de fanboyisme, on va parler juste de réflexion un petit peu sur le marché qui arrive et sur la transformation dans le monde du jeu vidéo en règle générale que cette nouvelle a eu et va avoir. Voilà, donc ça je tenais un petit peu à mettre les points sur les i. On n'est pas un site de fanboy. On n'arrête pas de se défendre, on est obligé de se défendre de ça en fait, parce que j'ai encore lu dernièrement sur un autre Discord c'est un petit peu dommage qu'il soit fanboy juste parce qu'on dit que Facebook c'est des enculés. Et ben on continuera de le dire et c'est comme ça et voilà, parce que c'est la réalité, en tout cas c'est ce qu'on pense. Ensuite voilà, on nous a reproché aussi d'être un petit peu grognon. Alors oui, forcément, quand tu donnes ton avis, quand c'est quelque chose qui te tient à cœur, quand c'est par exemple ce que t'as connu et ce que t'as aimé dans le jeu vidéo qui est en train de se péter la gueule et qui est en train de changer parce que des entreprises ont décidé de te faire consommer le jeu vidéo autrement et pas forcément de la manière dont tu le souhaiterais, bah forcément on gueule quoi, on le dit, on a le droit de pas être d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord et d'ailleurs, on vous invite vraiment, et ça nous ferait vraiment plaisir, que vous nous donniez votre avis justement là-dessus, que ce soit sur l'article du site VR4Player, l'article du podcast, ou alors sur la vidéo, en dessous de la vidéo de l'émission. N'hésitez surtout pas, en fait, justement, on est là pour dialoguer, on est là pour ne pas être d'accord, justement. Si on était tous d'accord, ça serait extrêmement chiant et ça irait uniquement dans la même direction. On pense que les joueurs ne sont pas des moutons. Et du coup on est capable un petit peu d'avoir une idée propre et puis de pouvoir l'exprimer quoi. Nous on a la chance d'avoir le podcast pour pouvoir l'exprimer, donc on le fait. Voilà, c'était juste voilà, en préambule de ce dossier là, il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont faire dresser les cheveux sur la tête de certains, on en est conscient, on espère que les gens ne prendront pas forcément mal, on est là pour discuter, on est là pour dire ce qu'on pense et donc voilà, c'est ce qu'on va faire ce soir. Voilà, alors Laurent, je vais te laisser commencer du coup. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais. Alors voilà, enfin, non putain, on a dit calme, Laurent, on a dit calme. On a dit constructif, on a pas dit... Pas content. Voilà, on a dit... voilà, respire. Et bah, voilà. On va commencer déjà par quelque chose de simple, c'est reparler de cette introduction, donc Microsoft qui rachète Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. Alors 68,7 milliards de dollars, justement, quand il y a des milliards... On a du mal à imaginer 9-0 comme ça. On comprend pas que c'est 1000 millions. On comprend pas. À notre échelle, c'est difficile. En gros, c'est pas la plus grande opération de fusion de ces dernières années. C'est pas la plus grande opération de fusion de la dernière décennie. C'est la plus grande opération de fusion de l'histoire de l'industrie du divertissement. Enfin, l'une des plus grandes. La plus grande, c'était Disney, qui avait racheté la Fox pour 71,3 milliards. Personne s'y attendait. On avait déjà été sur le cul en voyant les 7 milliards de dollars investis dans Bethesda. C'était que dalle à côté. Hein. On en parlait, on se disait il va y avoir autre chose. On savait qu'il allait y avoir autre chose parce qu'il l'avait un peu teasé tout ça. On savait que je crois que c'est Phil Spencer qui avait dit ou je sais plus, il y avait quelqu'un de chez Microsoft qui avait dit que on avait encore rien vu. Donc il y avait quelque chose qui se tramait. Il y avait quelque chose qui se tramait, on savait pas quoi, et il y en avait qui parlaient de Take-Two. Déjà on disait putain, Take-Two c'est 12 milliards à l'époque, c'était 12 milliards, c'est plus le cas maintenant parce que maintenant ils ont racheté le truc de téléphonie. Ils ont racheté Zynga pour 12,7 milliards. Donc maintenant Take-Two, c'est 25 milliards. Mais bon, on se disait, déjà, Take-Two, c'est un gros poisson. Mais alors, imaginez qu'ils allaient taper Activision. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'y attendait. Dans tous les domaines, hein, parce que quand c'est tombé, il y en a beaucoup qui ont cru à une blague. Ça a été une fuite de Bloomberg sur Twitter. 5 minutes après, c'était officialisé. Et quand j'ai lu le tweet, j'ai dit non, c'est pas possible. Quand j'ai vu qui postait le tweet, j'ai vu Bloomberg, j'ai dit oh putain, ça pue. Et puis derrière, c'était bien vrai. C'était bien un investissement de 68,7 milliards. C'est énorme. C'est un truc de fou. Donc ça, c'est les faits. Hein. Maintenant, les questions qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça va changer? Parce que on voit un peu de tout. Alors, il y a des jeunes aussi sur les forums qui comprennent pas tout. Parce que j'ai vu passer cet après-midi certainement des jeunes qui disaient pourquoi Sony rachète pas Apple, des trucs comme ça, quoi. c'est vrai, pourquoi? c'est bizarre. Voilà. Donc bon, on va remettre tout ça en place. Hein. Bah voyons. Allez, ils vont faire un crédit. Hein. Bah oui, un petit crédit. Voilà, ouais. Avec la banque, ça va passer. Tranquille. Donc, alors Microsoft qui rachète déjà Activision, qu'est-ce que ça va leur apporter? Bien sûr, ça va leur apporter pas mal de licences. La principale étant Call of Duty. À savoir que Call of Duty, c'est quand même l'un des jeux les plus joués. C'est le jeu le plus joué d'ailleurs. Il passe même devant GTA. 55% des joueurs consoles ont un Call of Duty et 41% ont un GTA. Après, on a Fortnite et Assassin's Creed qui sont à 28% des joueurs sur console, FIFA qui sont à 23% ou Spider-Man qui est à 17%. Donc là, en fait, clairement, Microsoft détient la licence la plus jouée sur toute console confondue. Voilà. Donc, ils ont déjà ça. Alors ensuite, le petit truc qu'il faut préciser aussi, c'est que ce n'est pas Xbox qui... Parce que ça aussi, j'ai vu des gens qui balançaient le chiffre d'affaires de Microsoft en parlant de la section Xbox. Le chiffre d'affaires de Microsoft, en moyenne, on va dire sur 2020, c'était 145 milliards. Là-dessus, il y a 7% de ce chiffre qui viennent de Xbox. Donc globalement, Xbox seul n'aurait pas eu les moyens de se payer Activision Blizzard. S'ils ont pu le faire, c'est parce que Microsoft, derrière, il a donné la carte bleue à Phil Spencer et il lui a dit, écoute, vas-y, prends dans les sous de Microsoft et puis on va lancer le truc. Et tu le diras pas à maman. Hein. Voilà. C'est notre secret. Je ne m'attendais pas à ce qu'il lui lâche 100 milliards comme ça quand même. Mais bon... Là, bon, conséquence, forcément, ça va calmer tout le monde, hein, parce qu'il y a déjà des frayeurs concernant les licences, comme ce qu'il y avait eu un petit peu pour Bethesda, où on s'était dit, mince, est-ce que ça va sortir sur PlayStation quand même? Donc là-dessus, il y avait eu déjà, alors attendez que je m'y retrouve, il y avait déjà eu Phil Spencer qui avait communiqué. Concernant le rachat de Bethesda, Phil Spencer, juste au moment du rachat, avait dit, ce rachat n'a pas été conclu dans le but d'enlever des jeux à une autre base installée de joueurs comme ça. Nulle part dans la documentation que nous avons réunie, il n'est question de comment empêcher les autres joueurs de jouer à ces jeux. Nous voulons que plus de gens puissent jouer et non pas que moins de gens puissent jouer. Donc ça avait eu l'effet de rassurer un peu les joueurs PlayStation. Bon, maintenant avec le recul, on sait très bien que The Elder Scrolls 6 sera une exclusivité, ainsi que tous les prochains jeux qui seront des exclusivités. Tout ce qui a été dans cette histoire, c'est par contre, bien sûr, les contrats étant signés, ils ont maintenu les jeux d'Arkane, les jeux, je ne sais plus quels jeux qui étaient en cours là. Il y en a quelques-uns qui vont arriver sur PlayStation. Ghostwire Tokyo. Voilà. Aussi. Oui, voilà. Et ben ceux-là sont maintenus forcément parce qu'ils étaient dans le contrat de départ. Par contre, les prochaines licences, c'est sûr que ça va partir sur de l'exclusivité. Et donc là, au sujet de ce rachat, ben, il y a eu un petit peu le même discours. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que par contre, Phil Spencer avait fait clairement penser à travers une phrase que de toute façon, au point où ils en étaient maintenant, qui donnent leur jeu à PlayStation ou à un autre concurrent, ou qui ne les donnent pas, de toute façon, leur affaire était rentable. Donc, en gros, c'est qu'ils n'en avaient rien à foutre. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc là, ils ont ressorti un peu la même chose concernant ce rachat de Activision. La phrase, c'est « Je dirais juste aux joueurs d'Activision Blizzard qui jouent sur les consoles de Sony que ce n'est pas notre intention de séparer les communautés de leur support et nous restons engagés dans cette voie. » Mais bien évidemment, c'est complètement logique ce qu'il est en train de dire. Il ne veut pas séparer les communautés, il veut les rassembler. Bah il oui. veut les rassembler autour de la location de jeux vidéo, parce que le Game Pass, c'est ça, c'est la location de jeux vidéo. C'est, tu dépossèdes complètement le joueur de son jeu. C'est ça. Donc c'est tout à fait logique en fait ce qu'il dit. Là, il y a ce matin, donc dans le Washington Post, il y a Sony qui a communiqué, qui a commencé à balancer, parce que bon, il y a quand même, suite à ça, Sony a quand même perdu 20 milliards de dollars, une bagatelle en moins de 24 heures sur sa capitalisation boursière. D'ailleurs, si vous amusez, vous allez dans Google, vous tapez Sony capitalisation, vous allez voir la courbe comme elle est belle. Il y a une marche. et ce qui est marrant, c'est qu'il y a exactement la même marche chez Activision, mais dans l'autre sens. Voilà. Ah ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Les investisseurs flippent forcément, donc ils partent. Du coup, ça fait descendre le cours. Pourquoi Microsoft, ça a baissé aussi un petit peu de 3%? Pourquoi? À chaque fois qu'une grosse société débourse de l'argent, les investisseurs disent « Oula, il y a investissement, donc elle ne va pas forcément gagner de l'argent. » Donc, il y a quelques investisseurs qui partent. Et c'est en général proportionnel. Si la société achète une société énorme, son cours peut être divisé de 50% parce que il y a eu trop d'argent qui sont sortis et ça fait fuir les investisseurs. Ils vont revenir, mais pour l'instant ils disent c'est pas la peine. Ils prennent pas de risque en fait. Voilà, c'est ça. C'est le principe du boursicotage, ça. C'est pour ça aussi que Amazon a pris un petit coup, Apple a pris un petit coup aussi et Google ont pris un bon petit coup aussi. Ces trois-là, ils ont ramassé. Nintendo, lui, n'a pas bronché. Son cours, il est stable, il n'y a pas de souci. Tout à fait étonnant, d'ailleurs. Ils sont dans une bulle. Hein. Ils sont intouchables, je ne sais pas pourquoi. Mais... Alors juste pour revenir sur un petit détail, si on vous parle de ça, justement, c'est qu'on a vu beaucoup de réactions sur divers forums de joueurs qui disent soit qui ont une PlayStation 5 ou une PlayStation 4 et qui disent ouais, moi je m'en fous, de toute façon je joue pas à Call of, je joue pas aux jeux bizarres, donc ça m'intéresse pas. Mais en fait faut pas réagir comme ça, faut pas réagir en tant que joueur, faut réagir de façon un petit peu plus large sur la répercussion du jeu vidéo. C'est pas parce que tu joues pas à Call of que justement tu dois te foutre complètement de ce genre d'opération. Parce que même si tu n'y joues pas, ça aura des répercussions, quoi qu'il en soit, sur ta façon de consommer le jeu. Donc voilà. C'est ça. Même si tu dis, ouais, mais Blizzard, ça fait un moment qu'ils n'ont rien sorti de bon, ils font que des remakes, de Overwatch tout pété. Oui, mais en fait, c'est pas ça l'important. Par exemple, le fait que Microsoft ait racheté Activision Blizzard, ils n'ont pas racheté que des licences. Et ça, beaucoup de sites et beaucoup de personnes ne parlent que des licences et que des jeux qui sont maintenant sous l'égide de Microsoft. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont acheté, Microsoft. Ils ont acheté du revenu, en fait. Tous les revenus de Activision et de Blizzard maintenant arrivent dans les poches de Microsoft. Et Microsoft, ce n'est pas uniquement... et Activision Blizzard, ce n'est pas uniquement du jeu vidéo comme on l'entend. Et c'est non, ça. Non, justement. C'est aussi Candy Crush. Et c'est une incroyable place en Asie. Oui. On sait que Microsoft avait beaucoup de soucis pour s'implanter en Asie. Là, c'est l'e-sport. Bon. Ils y sont. L'e-sport. Blizzard, l'e-sport. Voilà, tout est dit. Hein. Ils sortent n'importe quoi. Blizzard, de toute façon, après, c'est top one dans l'e-sport. Johan, ouais, t'avais un truc à dire? Non, je validais. Ok, très bien. Mais j'ai des choses à dire, hein, c'est pas... mais je vous écoute avec attention, mais oui, là, je suis tout à fait d'accord. Voilà, il ne faut pas uniquement s'arrêter à tout l'aspect jeu vidéo, licence, qu'est-ce que Microsoft a récupéré. Là, on va avoir justement fleurir, on a commencé déjà à voir fleurir un paquet de vidéos qui liste et qui envoie du trailer de tout ce qu'a récupéré Microsoft. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Alors, c'est en plus, y a la petite symbolique aussi en plus, parce qu'ils ont bien sûr récupéré Call of Duty, mais ils ont également récupéré Crash Bandicoot et Spyro, qui étaient quand même des licences de lancement de la PS1, et qui étaient les symboles de PlayStation. Donc, il y a cette symbolique aussi qui peut être agaçante, même si ce n'est pas des jeux qui feront des millions de vues, mais c'est quand même un petit symbole qui s'en va, à se dire quand même que ça se trouve, il y aura un Crash Bandicoot qui sera une exclusivité Xbox. Xbox, ouais. Ouais, ça serait. Ouais. On aurait dit ça il y a quelques années. On nous aurait dit ça il y a quelques années, on l'aurait pas cru. On a dit c'est pas possible. Mais voilà. Pour donner un exemple, moi j'ai commencé le jeu vidéo avec la première PlayStation et mon premier jeu c'était le premier Spyro. Voilà. Donc qui était Insomniac et Crash c'est quand même Naughty Dog. Hein. Donc, ouais, au départ oui. En effet, c'est des au-delà de enfin c'est la symbolique des studios aussi derrière quoi. Hein. Ah, violent, ouais. Microsoft, ils ont joué un sacré bon coup vraiment sur tous les fronts. Hein. Au niveau de la symbolique, au niveau de l'investissement, au niveau des revenus que ça va leur apporter. Le pognon appelant le pognon, de toute façon. C'est alors, un sacré coup. Sur ce point-là, c'est sûr qu'il y a une sacrée équipe derrière qui ont dû vraiment tout réfléchir. Il y en a certains qui vont dire Phil Spencer est un génie, c'est pas vrai. C'est Phil Spencer dirige Xbox, mais derrière il doit y avoir une sacrée équipe qui doit tout regarder s'il y a des faiblesses, s'il y a des financiers qui vont regarder tout, qui vont regarder si on prend ça, qu'est-ce qui va se passer. Ils savaient qu'Activision quand même était en difficulté. Activision qui avait quand même pas mal de soucis, de procès, il y a eu 40 personnes qui ont été virées cette semaine. Énormément de casseroles, ouais. Il y a des grèves sur grèves en ce moment. Apparemment, ça se passe très mal avec la direction. Attends, juste pour revenir sur ce truc-là, Blizzard et Activision sont justement sous le coup, comme tu disais, de procès, etc., sur le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, sur des choses, enfin une espèce d'omerta qui a eu lieu au sein de ces entreprises-là. C'est carrément des menaces de mort venant de la direction. Il y a des trucs qui ressortent sur Bobby Kotick en ce moment, vrai ou pas, de toute façon, voilà, mais malheureusement, c'est comme ça que fonctionne un petit peu l'information sur Internet. Par exemple, qu'il voulait se racheter deux grosses rédactions. Kotaku et l'autre, je sais plus ce que c'était. Je sais plus ce que c'était l'autre, mais déjà rien que Kotaku. Rien que Kotaku, c'est voilà. Énorme. Juste parce que justement il avait mauvaise presse là-bas, il voulait racheter le truc. Mais bon, ça reste encore une rumeur. Hein. Donc voilà, faut vraiment prendre ça trop au pied de la lettre. Mais ça a déjà existé, donc on peut se dire que c'est plausible. C'est plausible, exactement. Ouais, plausible, c'est tout à fait. Plausible, oui. Voilà, pas probable, plausible. En tout cas, il y a forcément des soucis. C'était connu. D'ailleurs, le cours de bourse n'a pas fait de cadeau parce que depuis à peu près une année, il se cassait la gueule complet. Je ne sais plus combien ils avaient perdu, mais je dirais 25%. On se dit, tiens, est-ce que... Alors, il y a eu des vrais problèmes, il y a eu des vrais trucs qui sont propres à Activision. Mais en même temps, Microsoft, de leur côté, bah, ils ont regardé et ils ont dit « Putain, là, c'est une boîte qui vaut le coup, qui a perdu 25% de sa valeur, c'est le moment, on y va. » Et donc, ils achètent au meilleur moment. Pourquoi ? Parce que Microsoft, qui vont arriver là-dedans, ils vont pouvoir... Alors, ils disent que ce fameux directeur, je ne sais jamais son nom, va rester. Faut pas rêver, il va pas rester, sa tête va sauter. Il va rester tant que ça sera pas signé, donc jusqu'en 2023. À partir de ce moment-là, à mon avis, sur ce côté-là, je suis pas inquiet. Microsoft, ils vont nettoyer tous les trucs qu'on fait des vagues, le harcèlement, tous ces trucs-là, à mon avis, ça va être réglé. Et ben, j'espère justement que ça sera vraiment le côté bénéfique de ce rachat de Microsoft. J'espère. J'y crois pas à 100%, mais j'espère franchement qu'ils vont faire le ménage un petit peu dans ces politiques d'entreprise toxiques pour faire avancer les choses. Ils ont intérêt parce que l'image de marque là, c'est important. J'espère qu'ils n'ont pas juste acheté un bateau avec la coque trouée et qu'ils vont pas le laisser crever comme ça sur le bord de la flotte. Et... À 70 milliards, je pense pas. Oui, mais les 70 milliards, combien est-ce qu'ils vont apporter par an à Microsoft? J'espère qu'ils ont fait leurs calculs quand même. Ah, je pense qu'ils ont fait leurs calculs. Alors Call of Duty, il y a ça qui me fait marrer, parce que Call of Duty, on a beau dire que Vanguard marche pas super bien, qu'est-ce qu'ils appellent pas trop bien marché, parce que le truc, il est quand même en tête des ventes. Je pense qu'ils doivent le comparer aux autres Call of Duty, en fait. Par rapport aux autres Call of Duty, ils marchent pas. Mais bon, il cartonne quand même pas mal. Donc, il marche toujours mieux que Battlefield. Voilà, par exemple. C'est clair. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs, je pense. Oui, il est moins cassé, quoi. Clairement, ouais. Donc voilà, je pense que là, de toute façon, l'objectif, quand tu as déboursé comme ça 70 milliards, bah, y a plusieurs milliards qui vont arriver déjà de tout ce qu'ils vont récupérer du téléphone mobile, parce qu'il y a beaucoup de jeux sur téléphone mobile, Candy Crush et compagnie, hein, ça rapporte une petite blinde. Ça les met en sécurité via... ils peuvent comme ça se partir un petit peu de l'emprise de l'Apple Store avec les jeux mobiles, parce qu'ils ont leur propre truc maintenant dans le mobile. Mmh. Donc ça, c'est l'autre truc intéressant. Comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas que les jeux vidéo, consoles, Sony, PlayStation, Xbox. Il y a d'autres choses à côté. Ils attaquent le marché asiatique. Donc là, ils vont avoir une force de frappe en Asie que même Microsoft n'avait pas, mais que, par contre, Activision avait. Donc ça, c'est super important pour eux. Et bizarre. Et puis surtout bah, ils vont caler un Call of Duty, ils vont caler... alors, je ne sais plus ce qu'il y a comme autre licence. Il y en a un petit peu. Il y a Warcraft, non, déjà. De quoi ? Warcraft. Oui, Diablo, oui, bah voilà, Diablo, World of Warcraft. Diablo. Diablo, Starcraft. Il y a aussi... j'ai bouffé son nom, celui avec... Hearthstone. Hearthstone, mine de rien, qui continue de bien marcher. Overwatch. Tout ça va finir dans le Game Pass. Et quand on sait justement que Call of Duty, c'est le titre le plus vendu sur console, c'est là où on peut commencer à se poser des questions. Le Game Pass à 10 balles, vu qu'il y a déjà Bethesda, il y a déjà tout ce qu'on connaît, plus maintenant Activision Blizzard avec Call of Duty, eh bien, plus la pénurie due au Covid de l'approvisionnement en console et en composants, Et ben, est-ce qu'il ne va pas y avoir un glissement des achats des gens qui n'ont pas pu avoir une PS5 et qui vont virer sur une série X ? Admettons, imaginez maintenant, Microsoft, avec l'argent qu'ils ont en tant que banquier, ils vont débouler en Chine, ils vont leur dire, eh ben, écoutez, ce composant-là, je vous le paye le double, mais je le veux pour moi. Et ils se réservent un petit peu comme il s'était passé pour les vaccins entre les États-Unis et la France, ils se réservent un pack de composants électroniques et il arrive à produire soudainement des tonnes de séries X qui arrivent maintenant sur le marché, après une annonce comme ça. Et ben, les mecs qui sont tous en train de chercher à avoir une PS5, ils vont virer sur la série X avec un truc pareil. Donc il y a quand même, c'est là où quand on parle Sony a le genou à terre, c'est vraiment, on est vraiment sûr. Et puis 20 milliards de moins en 24 heures, Sony, là, il s'est pris une bonne claque quand même. Ouais, quand même, hein. Quand même. En tout cas, un sacré gros coup. petite question, est-ce que vous pensez, parce qu'il y a eu des réactions assez rapidement de Kazirai, comme il s'appelait déjà, l'ancien PDG de Sony. Oui, oui. qui a dit, vu la politique d'entreprise d'Activision Blizzard, PlayStation a décidé de ne plus travailler avec, depuis 30 minutes, de ne plus travailler avec, c'est ça, avec cette c'est entreprise. Ça. Il a fait l'humour. Non, mais sérieusement. Bah, je sais pas, c'était un petit peu dit sur le ton du sérieux, mais quand on a lu ça, non, sérieux, t'es... Enfin, ouais, bon. on l'a partagé sur notre Twitter, moi, ça m'a fait marrer, parce qu'il a balancé cette phrase-là, ça devait faire, c'est ça, 30 minutes que la nouvelle était tombée. Ouais, il a dit, depuis 30 minutes, on ne travaille voilà, plus avec ça. Eux. C'est ouais, ça. Mais... ouais, c'était pas mal. Mais là, clairement, c'est quand j'ai vu ce tweet-là que je me suis dit, la guerre est déclarée. Avant, il y avait une petite guerre de console et tout. Non, maintenant, c'est une guerre d'entreprise. Et c'est à celui qui pilonnera le plus l'autre. Hein. Et là, le truc, c'est que Microsoft, ils ont une force de frappe que Sony va avoir que Sony n'a pas, tout simplement. Que Sony n'a pas, ouais. C'est pas un compte parodique. J'ai pas l'impression. Désolé, hein, je casse un peu le truc. Mais moi, il me semblait que c'était un compte parodique. Tu crois ? Kazirai. Et je sais pas, en dessous. Si de... Ah oui, en si dessous, c'est il y a écrit. Parodie account. Ouais. Ah bah voilà, bon, on est des cons, ouais. Alors. bon, en tout cas, c'était marrant. En tout cas, c'était marrant. C'était c'était plutôt pas mal. Mais oui, après ça fait hurler de rire beaucoup de monde. Oui. Ah ouais, tu m'étonnes. Oui, c'était drôle. Et donc voilà. Mais est-ce que vous pensez pas aussi que Sony était un petit peu au courant avant tout cela ? Est-ce que ça pourrait pas expliquer la gueule de trois pieds de long que Jim Ryan avait pendant l'annonce des spécificités du PSVR 2, le CES ? Parce qu'il avait l'air malade, hein, quand même. Hein. Ouais, je pense. Je l'ai trouvé plutôt souriant cette fois, moi, par rapport à il y a deux ans au CES 2020, où il tirait une tronche. Ah ben c'est sa vraie tête alors. Ouais, de manière générale, de toute façon, c'est quelqu'un qui est assez sérieux hein, au niveau du visage. Hein. Mmh. Donc, ouais, quand il rigole, en général, ça fait des mèmes et des gifs. Donc, ouais, je pense. C'est vrai. Mais, Non, par contre, ouais, c'est clair que. Et ils sont pas bêtes, ils savent que Microsoft est assis sur ses picsous, hein, il est assis sur une montagne d'or. Ils se doutaient bien qu'il allait avoir un coup comme ça. Hein. Mmh. Surtout que même nous, finalement, avec le recul, quand ils ont acheté, pour déjà qu'ils aient le culot de dire en achetant 7 milliards Bethesda, mais encore vous avez rien vu, c'est rien du tout quoi. Même la presse en parlait. Ils disaient qu'est-ce qu'ils vont nous faire derrière? Ils vont nous faire Take-Two, ils vont nous faire Ubisoft, ils vont nous faire allez, vas-y. Ça ne saurait tarder. Je te fous 70 milliards sur la table quoi. Ouais, Johan, c'est un truc de dingue. On pensait beaucoup aussi à EA parce que tout à l'heure on parlait du game, enfin tout à l'heure il y a deux minutes on parlait du Game Pass, mais il me semble que le EA Access il est aussi dans le Game Pass. Hein, oui. Et il y a une rumeur aussi qu'il y aurait un service Ubisoft qui pourrait rentrer dedans. Mmh. D'ailleurs, c'est pas pour rien comme dans les minutes qu'on suit. C'est pas une rumeur, Ubisoft. Oui, ah d'accord, oui, désolé. Donc bon, bah, tant pis pour moi. Non, c'est parce que ça aussi, c'est arrivé aujourd'hui. Donc là, il a le deuxième genou au sol. Voilà. Et alors, ce qui fait qu'on peut un peu mieux comprendre aussi pourquoi il y a eu des réactions aussi bonnes de la bourse après le rachat d'Activision Blizzard. On avait vu que aussi bien EA que Ubisoft et compagnie, oui, ça avait grimpé en flèche. Ben, quoi. Disons c'est vrai que toutes les entreprises qui sont potentiellement achetables par Microsoft sont montées. Ouais, mais de toute façon, maintenant qu'ils ont acheté Activision Blizzard, j'ai envie de dire, tout est possible, parce que je crois avoir vu que Activision Blizzard, c'était l'éditeur qui était le plus fort, en fait, qui pesait le plus. Ils ont commencé par Bethesda, d'accord, mais après, ils ont acheté le plus gros, quoi. Enfin, parce que même aujourd'hui Take-Two, on se dit que ça pèse 25 milliards. Enfin, faut se rendre compte que c'est pas très loin, c'est entre deux fois et demi et trois fois moins que Activision Blizzard. Ils sont beaucoup moins diversifiés aussi. Ils font vraiment que du jeu vidéo, il me semble. Take-Two, ouais. Ouais, bien sûr. Non, mais je suis. Enfin, non, suis ils font de la téléphonie avec Zynga maintenant. Enfin, oui, maintenant. C'est tentaculaire tout ça. Hein. C'est vraiment tentaculaire. Ouais. Ça qui est flippant parce qu'on voit vraiment que la partie émergée de l'iceberg et pas le reste, hein, qui est, à mon avis, beaucoup plus important que ce qu'on pense. Les calculs sur ce genre de truc, les mecs, je suis pas inquiet, hein, ils vont pas perdre d'argent. Comme le disait Phil Spencer, on fait des calculs en se disant, nous on calcule en tant que joueur, donc on va se dire, bon maintenant il y a le Game Pass, chaque joueur va donner 10 balles par mois, donc ça représentera 120 balles par an, et tu fais ton calcul, tu te dis, bon, combien il va falloir qu'ils vendent deux jeux pour récupérer ces 70 milliards. Mais ça marche pas du tout comme ça, parce que justement, là en ce moment il y a 25 millions d'abonnés sur le Game Pass. Tu peux être sûr qu'à la fin de l'année, il y en aura peut-être 50 millions, et d'ici un an ou deux, ils seront à 100 millions, peut-être même avant. Donc en gros, quand on parle du Netflix du jeu vidéo, on y est, c'est ce qui va arriver. Mmh. Ils vont taper les 100 millions sans problème. Alors rien que sur 25 millions, là déjà, ils gagnent 3 milliards par an, avec 25 millions d'utilisateurs à 10 balles. Que je n'aime pas ça. Donc tu peux être sûr qu'ils vont empocher à coup sûr dans les années à venir 10 milliards par an juste avec le Game Pass. Sans parler que ça va continuer à grossir parce que c'est exponentiel en fait. Plus il va y avoir de jeux, plus il va y avoir de monde. C'est un truc vraiment qui me gêne là-dedans, je m'en suis jamais caché. Hein. Qu'ils fassent du pognon, qu'ils créent un marché, il n'y a aucun souci, c'est très bien et ça apporte toujours du sang neuf à l'industrie du jeu vidéo, il n'y a pas de souci. Ce qui m'inquiète, c'est que là, ils sont en train d'asphyxier complètement tout un écosystème existant du jeu vidéo et de commercialisation du jeu vidéo. Ils sont en train de l'asphyxier, ils sont en train de mettre un collier au cou de tous les joueurs, qu'on le veuille ou non, et ils vont le resserrer à un moment ou à un autre. Et ce qui m'embête, c'est que je fais partie des joueurs un petit peu à l'ancienne. Là, je vais parler vraiment de façon très personnelle. Je fais partie des joueurs à l'ancienne qui a vu débarquer le dématérialisé un petit peu d'un mauvais œil, mais bon, qui s'y est fait quand même, mine de rien, et qui maintenant est plutôt client de ce genre de choses. Mais je suis quand même encore attaché à mes boîtes, je suis encore attaché à la possession de mes jeux, que quand j'ai envie de me refaire un vieux jeu sur Super NES, et ben je peux encore le faire. Maintenant ça va plus être possible, c'est plus possible déjà depuis la PS3 et Xbox 360 avec les patchs. Mais là en gros ils sont en train de tuer le marché de l'occasion, ils sont en train de tuer le marché du jeu physique, ils sont en train de tout asphyxier, de planter sur de la jachère tout leur système économique pour asphyxier tout ce qu'il y avait en dessous et tout ce qui est existant. Et ça je trouve ça extrêmement dangereux en fait, ce monopole. Un monopole, qu'on le veuille ou non, de toute façon, ça arrivera, ça se fera, et on sera obligé, on sera au pied du mur, on n'aura absolument plus le choix. Mais non, on nous a dit sur notre vidéo du Game Pass qu'il n'y avait pas de monopole. Mon cul sur la commode. Et ça m'embête, quoi. Pourquoi empêcher les autres d'exister, quoi? Pourquoi est-ce que... Je pige pas, c'est comme forcément il va y avoir des répercussions sur la réalité virtuelle, parce que qu'est-ce qui va rester à Sony comme possibilité pour pouvoir exister, pour pouvoir proposer, pour pouvoir continuer d'innover? Parce qu'il faut des ronds, il faut des soutiens pour ça, il faut un petit peu pouvoir prendre des risques, et prendre des risques c'est bien, tu peux le faire quand t'as une trésorerie solide et stable, comme Microsoft d'ailleurs, mais quand tu es dans une position de faiblesse, et ben ça devient un petit peu plus compliqué, et c'est ça qui me fait peur en fait dans ce qui arrive en ce moment. Je peux juste te préciser un petit truc, parce que il se passe des choses pendant que tu parles, ça y est. Il est 22h15 sur Twitter. Phil Spencer vient juste de tweeter. J'ai eu de bons appels cette semaine avec les dirigeants de Sony. J'ai confirmé notre intention d'honorer tous les accords existants lors de l'acquisition d'Activision Blizzard et notre désir de garder Call of Duty sur PlayStation. Sony est une partie importante de notre industrie et nous apprécions notre relation. Voilà, c'est ce qu'il vient de poster à l'instant. Eh ben, bien joué, Philou, c'est bien. Pourvu que ce ne soit pas des paroles en l'air, en tout cas, j'espère pas. Alors il faut lire entre les lignes quand même. J'ai confirmé notre intention d'honorer tous les accords existants, ce qui veut dire que, ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Tous les prochains jeux ce sera des exclusivités Xbox. Tous les accords déjà signés resteront honorés. Voilà. Après Call of faudra voir hein, sur le long terme. Moi j'ai pas peur pour cette fin d'année et puis la fin d'année prochaine. Bon, enfin j'ai pas peur. En soi, je joue pas à Call of Duty, mais je pense aux gens qui quand même malgré tout adorent cette licence, et ils sont bien plus nombreux que mon avis, je pense, dans le monde du jeu vidéo. Mais après, au-delà de ça. Je pense que ouais, pour Noël 2022, Noël 2023, il n'y a pas à avoir peur. Après, derrière, il y a possibilité que ça soit... Puis même s'il laisse Call of Duty, en effet, Laurent, il le soulevait tout à l'heure, un Game Pass à 10€, avec tout ce qu'il y a dedans, une Xbox Series S, que peut-être des fois on oublie un peu trop, mais qui est quand même pas trop cher, on va dire. Ah non, c'est clair. Pour 299€, t'as quand même... c'est quand même assez impressionnant. Puis dans 2 ans, elle sera à quel prix, quoi? Donc, un an et demi, 2 ans, elle sera à quel prix? Donc, c'est là aussi que... C'est là aussi qu'à force, ça devient compliqué, quoi. Parce que ouais, quand t'as le Game Pass, t'as le EA Access... T'as le truc d'Ubisoft, là. Ubisoft oui. Plus, ouais. Donc, t'as déjà ces deux trucs-là. Et puis après, puis derrière, t'as tout le catalogue maintenant Xbox qui, quand même, se compose maintenant de 30 ou 31 studios, quoi. C'est une force de frappe énorme. Hein. Et d'ailleurs, le dernier Ubisoft sort aujourd'hui sur le Game Pass. Ouais, ben voilà. Je veux dire, c'est... Donc à force, oui, et je dis ça d'autant plus pour corroborer ce que tu disais, c'est-à-dire que on commence à avoir un début d'asphyxie. Il y en a plein qui disent oui, mais non, c'est pas un monopole. Sony, pour l'instant, ils sont toujours premiers, ceci, cela, etc. Ils sont toujours premiers, mais si maintenant tu additionnes les résultats de Activision Blizzard, enfin premier et deuxième après Tencent, oui, c'est ça, oui. Tencent, oui. Voilà, c'est ça. Et bien maintenant, tu le rajoutes, tu rajoutes, rajoutes à Xbox, donc Activision Blizzard, c'est bon, il passe second. Hein. Donc, et puis, c'est un début, un monopole, ça ne se fait pas avec un seul rachat. Mais c'est quand que ça a été. Bethesda, ça a été annoncé quand le rachat? Je ne me rappelle plus. Il y a un an et demi, donc. Bethesda, je me. Si, attends, 2020, je non dire. C'est 2020, je crois. Bethesda, je te dis, c'était en octobre 2020. Ouais, octobre 2020, enfin, tu regardes le truc, octobre, novembre, décembre, janvier, enfin, 12, 15 mois après, 15 mois après, enfin, de toute façon, c'est pas compliqué, hein, puisque ils ont annoncé en octobre 2020, et puis il y a 3-4 mois, je crois, un truc du genre seulement, que ça a été enfin, que ça a été entériné, parce qu'il y a justement cette période-là de un an et demi, entre le moment où on annonce le rachat et après les validations par les lois antitrust, enfin par tout le packaging administratif. Et là, juste après, on voit que ça y est, quoi, Bethesda s'est plié, allez, paf, on enchaîne sur Activision Blizzard, quoi. Mmh. Donc une fois qu'Activision Blizzard, ça sera fait, parce que ça peut aller jusqu'à juin 2023, mais ça peut se faire plus tôt, hein, aussi, hein. Donc, et puis ils vont continuer, quoi. Step et ils ont step. Déjà EA et Ubisoft quelque part dans leur poche, puisque quand tu souscris au Game Pass, ce qui est quand même aujourd'hui ce qui intéresse le plus Microsoft, et bien en même temps t'as le service EA Access et Ubisoft Plus, donc Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à ce qu'on vient de dire de tout à l'heure que Phil Ryan, n'importe quoi. C'est les mêmes. Phil Spencer, qui vient de dire que bon, ils allaient honorer tous leurs contrats. Il a plutôt intérêt à le faire parce qu'il ne faut pas oublier que le contrat n'est pas fait, hein, l'achat-revente n'est pas encore fait pour Activision Blizzard. Ça sera effectif en 2023, mais entre-temps, il va y avoir les régulateurs des lois antitrust qui vont aller un petit peu fouiller là-dedans pour voir s'il y a effectivement un problème de monopole. Donc, il a tout intérêt pour l'instant à laisser Call of Duty sur PlayStation parce qu'à partir de là il attirait l'attention sur les régulateurs antitrust parce que là il y aurait vraiment un monopole qui serait visible et ça pourrait mener à l'annulation de l'achat de Activision Blizzard, et ce serait pire que ça parce que ce serait pas Microsoft n'achèterait pas Activision Blizzard, mais en plus dans le contrat il devrait reverser 3 milliards de dollars à Activision Blizzard pour rupture de contrat. Donc il y a quand même c'est pour ça que Call of Duty en fait là il fait le beau, il balance oui les joueurs PlayStation vont pouvoir y jouer, mais en fait il peut pas dire le contraire tant que c'est pas signé. Une fois que ce sera signé, vous allez voir, les choses vont changer. Ouais, mais il me semblait justement comme pour The Elder Scrolls, excuse-moi, c'est, mais ouais. Comme pour The Elder Scrolls, c'est, hein, c'est ce qu'ils avaient dit. Hein. Ouais, c'est ça. Mais il me semblait, moi, que les lois antitrust, justement, c'est ce qui était imprimé sur le PQ des chiottes de Satya Nadella et qui se torchait avec, mais alors. Voilà, avec plaisir, dire tiens, vas-y, t'aimes bien ça. Hein, hop. Il faut pas oublier qu'on est en face de GAFAM, donc des sociétés qui sont plus riches que des États. Non, mais les antitrust, ils sont contre-foot, mais d'une force. C'est que même s'ils sont. Admettons, ils sont attaqués, ils ont un procès qu'ils perdent, et le procès, ils vont avoir $1 milliard d'amende sur ce procès. Si derrière, t'as un marché de 9 milliards, ils en ont rien à foutre de sortir le 1 milliard. C'est le mec qui se fait arrêter pour excès de vitesse en Ferrari, il va te le payer cash ton truc et puis il s'en fout, quoi. Voilà, cadeau. Tiens, tu prendras ce petit bifton là, c'est pour ta femme, voilà. Ouais, mais c'est que le lobbying, je veux dire, plus t'as de pognon, le pognon appelle le pognon, et c'est une vision du jeu vidéo qui est normale, hein. Malheureusement c'est dans l'air du temps et c'est un petit peu dans l'évolution des choses. Ouais, qui devient vraiment quand même ça transpire pas la passion quand même, hein. Vraiment pas, hein. Bah, je dirais que là on est quand même sur des sociétés qui sont plus hautes que toutes les sociétés au monde, hein. Apple, je crois qu'ils sont les premiers. Avant eux, c'était une société de pétrole. Maintenant, Apple est repassé devant. Mais c'est des boîtes qui, de toute façon, dans leur système, ont besoin de faire des bénéfices, parce que le jour où elles ne feront plus de bénéfices, elles vont perdre tous leurs investisseurs. Donc, il y a un moment où ça va coincer, parce qu'elles n'auront plus rien à acheter. Et c'est là où le système va se casser la gueule, d'ailleurs, parce qu'il y a un moment, à force de vouloir monter, ben, y a un moment, ils vont tout bouffer, en fait. Et on va se retrouver comme dans Wall-E avec une seule société qui gouvernera le monde. c'est rigolo dans le dessin animé. Ça l'est moins en réalité. Je sais pas quand ça arrivera. Mais au niveau du principe, c'est ça. C'est qu'une société qui ne fait pas de bénéfices, c'est une société qui ne marche pas. Et du coup, les investisseurs ne vont pas placer leur argent pour cette société s'ils savent que l'année prochaine, ils vont rien gagner. Donc c'est petit à petit, il y aura toujours des rachats. Et l'année prochaine, Microsoft, ils vont en remettre une couche. Ils vont continuer pour atteindre 5 000 milliards, 6 000 milliards, 7 000 milliards. Et ce sera pareil pour Apple, ce sera pareil pour Amazon et pour d'autres qui ne sont pas encore là, qui arriveront peut-être au milieu. Donc c'est cette idée-là. Maintenant, que peut faire Sony face à une montagne pareille? Alors c'est là où il y a un autre débat, c'est que il y en a beaucoup qui disent Sony ils sont morts. Alors déjà non, ils sont pas morts. Rappelez-vous d'Apple, ils étaient morts, maintenant ils sont numéro 1. Ouais, c'est clair. Bah ouais, c'est clair. Il suffit que Sony sorte ils ont sorti le Walkman il y a quelque temps, ils sortent un nouvel appareil qui fasse un carton comme un iPhone. Oh le vieux. parce que à cette époque-là, Sony c'était la classe. Ils ont sorti le mini disque, s'il te plaît. Ouais, aussi. Et j'en ai super CD audio. Je veux dire, imaginez ils sortent un produit que personne n'a pensé, un peu comme l'iPhone, ils te sortent le truc, boum, ça fait un carton et ils se retrouvent GAFAM. Sony devient un GAFAM. Donc c'est possible. Et puis inversement, il peut y avoir un GAFAM qui se casse la gueule. En ce moment, Facebook traîne pas mal de casseroles. Ils ont en plus les lois antitrust sur le dos. Donc eux ils peuvent se faire couper la tête. C'est pas parce que t'es un GAFAM aussi que tu peux pas te choper quelques juges qui veulent ta peau et avoir des difficultés à remonter. Malgré ça, Sony à côté, c'est un tout petit poisson à côté de Microsoft. Sony, ça pèse combien? Ça pesait 150 milliards de dollars. Maintenant, ça en pèse 139. J'ai regardé tout à l'heure, c'était à 139 milliards. Par rapport, voilà, on va se dire que Netflix, en comparaison, c'est 229 milliards de dollars. Donc c'est pour ça qu'on disait que Netflix n'ont pas les moyens, parce que on a entendu des mecs qui disaient Netflix vont racheter Sony. C'est pas possible, une boîte qui pèse 229, elle va pas racheter une boîte à 150 ou à 139. Après Nintendo, c'est 60 milliards, donc là, c'est comme si Microsoft avait racheté Nintendo en fait. Et encore, ça lui aurait coûté moins cher. Activision, c'était 63 milliards aujourd'hui. Bon, après, ça fluctue. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la capitalisation boursière, donc là, pour l'instant, Activision capitalise 63 milliards. Malgré ça, Microsoft ont acheté 68,7 milliards. Pourquoi il y a une différence? Pourquoi c'est toujours plus élevé que la capitalisation? La capitalisation, c'est ce qui englobe les 100% d'actions de la société. Par contre, ils rajoutent quelques milliards parce qu'il y a certains investisseurs qui ne vont pas vouloir lâcher leurs actions. Donc, pour les récupérer, ils vont leur donner plus. Que la valeur de l'action. Donc c'est pour ça qu'ils augmentent quelques milliards en plus. Donc maintenant, la vraie question, c'est que va faire Sony? Que peut faire Sony? Donc là, on sait déjà qu'il a perdu 20 milliards de dollars en 24 heures. Ça va remonter doucement, parce qu'ils vont remonter. Mais ça prendra du temps. Par contre, est-ce que moi, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que pour vous, la meilleure solution pour Sony, ce serait vraiment de racheter des studios? Ou ce serait pas plutôt de créer de nouveaux studios avec en débauchant ou en récupérant des talents et en créant de nouvelles licences et en créant de nouveaux studios. Tu veux commencer, Johan? Sony, il me semble qu'ils ont créé, alors ils en ont fait qu'un, hein, c'est vrai, pour le moment, mais il me semble qu'il y a 2 ans, ou je crois que oui, c'est à peu près il y a 2 ans, ils ont créé un studio sur lequel il y a eu beaucoup de rumeurs. Sur la potentialité que ça soit eux qui développent le nouvel Uncharted. Je sais plus comment ça s'appelle, ce studio. Ils ont déjà commencé. Moi, je dirais qu'il y a déjà Haven Studio avec tous les ex-développeurs de Stadia, qui a quand même il faut quand même garder un œil dessus parce que on connaît pas ce studio, mais il est entièrement financé par Sony. Et pour l'instant, il fait pas partie des PlayStation Studios. Pourtant, il est financé par Sony. C'est peut-être un studio qui va arriver avec une toute nouvelle licence et qui pourrait bien intégrer plus tard les studios PlayStation. Ok. Wow. Oui, non, bien sûr. Mais il me semble qu'ils en avaient déjà, ils en ont recréé. Enfin, pour répondre, donc pour parce que là, donc c'est un studio qui existe déjà, mais il me semble qu'ils en ont, créé un justement pour faire. Je sais pas, c'est pas XDev. Non, putain, je me rappelle plus. Oh, XDev, ça fait un moment que ça existe. Ouais, non, donc c'est pas eux. Ouais. Enfin, il y a un studio déjà. Enfin, faudrait que je retrouve le nom. Mais et je sais qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur quoi, que, comme quoi, ça serait eux qui donc développeraient un nouvel Uncharted maintenant que Naughty Dog serait passé à autre chose, en tout cas selon leur dire. D'accord. Donc oui, c'est tout à fait possible que Sony ils ont. Je pense que Sony, ça fait tellement longtemps qu'aujourd'hui qu'ils sont dans le marché du jeu vidéo. Que énormément enfin, ne serait-ce que l'architecte de la PlayStation 5, Marc Cerny, on en parlait tout à l'heure, hein, mais Marc Cerny, il a pas commencé avec Insomniac, mais il a fait quand même beaucoup de ses lettres de noblesse chez Insomniac avec Spyro sur la première PlayStation, et ils ont énormément de connaissances. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont des vétérans du jeu vidéo, qui sont tout, enfin globalement ils sont tous passés par Sony ou ils sont toujours avec Sony, donc ils ont des, je pense que Sony ils ont peut-être pas, alors ils ont quand même des moyens, hein, on va pas se mentir, mais ils ont quand même une expertise, ils ont les petites mains, comme des fois on appelle ça de manière un peu péjorative, ouais, mais ils ont la ressource créative et compagnie, ils l'ont. Après, les moyens, c'est peut-être autre chose, ouais. et encore quand même, parce que quand on pense que Take-Two qui pèse, tu crois que tu disais, Laurent, 12 milliards, un truc comme ça. Ils pesaient 12 milliards, mais avec le rachat de Zynga, ils sont à 25. Ouais, mais ils ont été capables de faire un rachat équivalent à leur valeur. Ouais. Donc, voilà, alors je ne dis pas que ça veut dire que Sony vont pouvoir faire un rachat à 130 milliards, mais ça veut dire que quand même Sony, on peut quand même imaginer que Sony serait capable de faire un achat jusqu'à entre 20 et 30 milliards quand même, ce qui n'est pas, pas non plus négligeable aujourd'hui. Hier, aujourd'hui, c'est 35 milliards, par exemple. Donc, après, c'est sûr que ça pose quand même des questions. Sony, ça, il pourrait le faire une fois, mais il ne pourrait pas le faire... Indéfiniment. Et puis, Electronic Arts sont quand même très proches de Microsoft. Oui. Ubisoft, ils sont quand même chez Stadia, ils sont chez Luna et ils sont sur le Game Pass. Donc, je pense pas qu'ils soient proches de qui que ce soit. Par contre, c'est vrai que Take-Two sont quand même plus proches de Sony. Ma vision du truc, et puis après, je te réponds, Laurent, et puis après, je vais m'arrêter là, je vais devoir vous laisser pour cette émission, la terminer, toi et Johan. Ma vision de joueur, ma vision de noob un petit peu de tout ce qui est gestion d'entreprise, etc. Moi, je vais juste donner ma position de joueur. Pour moi, Sony, c'est une histoire d'innovation. Alors, de mensonges et de problèmes de communication également, malheureusement. Mais c'est avant tout, justement, une entreprise, comme a dit, je ne sais plus quel PDG de responsable de Sony, nous, on a l'habitude de donner aux joueurs ce qu'ils n'attendent pas. C'est une phrase justement qui est assez symptomatique de ce que j'aime chez Sony. C'était Shuhei Yoshida qui avait dit Shuhei Yoshida, ça. En réponse à Phil Spencer. Tout simplement, voilà. Et moi justement, c'est ce que j'aime. Et ils ont quand même eu les couilles de proposer de la réalité virtuelle. Ils ont les couilles d'en proposer à nouveau. De continuer. Ouais. Tout ce que j'espère, c'est que justement, tout ce qui se passe en ce moment, qui est une histoire de gros sous et une histoire qui nous dépasse complètement, nous et tous les joueurs, et même probablement une grosse majorité aussi des journalistes qui vont en parler. J'espère que tout ça justement va pas brider ces innovations, cette envie justement de faire découvrir aux joueurs des choses qu'ils ne pourraient pas découvrir ailleurs ou difficilement. Ce que j'espère, c'est que, sachant que Activision Blizzard, malgré le fait que ça rapporte un paquet de pognon et que ça en engrange un paquet, ça reste quand même, comme je disais tout à l'heure, un bateau avec une coque qui est quand même pas toute de dernière fraîcheur. Et ce que j'espère justement, c'est que beaucoup de développeurs de talent, de créateurs vont peut-être créer leur petit studio et puis proposer des choses chez Sony et même chez Microsoft et même chez Nintendo, même que sur PC, mais qui vont continuer à innover et peut-être justement Sony de mettre des ronds là-dedans pour justement la recherche, pour accompagner ces développeurs qui qui n'ont pas envie de rentrer dans un espèce de dans une politique d'entreprise qui phagocyte absolument tout le marché. Peut-être une certaine vision du jeu indépendant, justement, qui aurait des moyens, tu vois, qui aurait des moyens de proposer des productions vraiment qui en foutent plein la gueule, mais sans les répercussions économiques, en tout cas sans l'épée de Damoclès économique qu'il pourrait avoir au-dessus de la gueule et qui maintenant, malheureusement, est un petit peu... Et un petit peu l'obligation chez Microsoft. Ça va être compliqué là. Ouais. Mais ça va être compliqué. Mais j'ai quand même, en tant que joueur un petit peu naïf, j'ai encore un petit peu justement cet espoir que tous ces développeurs-là vont pouvoir trouver de l'aide. Et même si Sony est un outsider dans le marché du jeu vidéo, c'est là où il est le meilleur. C'est quand il est sur un piédestal, quand il domine le marché, Sony, ils font de la merde. PlayStation, ils font de la merde. Ils savent pas communiquer. Et une fois qu'ils ont du challenge, c'est là qu'ils se révèlent. Et donc j'espère franchement que justement ce coup donné au marché du jeu vidéo va aider Sony justement à se révéler un petit peu plus, à peut-être prendre un peu plus de risques et puis à nous proposer justement des choses qu'on aime comme le PSVR 2 et qui vont faire quelque chose de bien avec et qui vont arrêter d'être timides, de se cacher derrière leurs petits doigts au niveau de la communication, et ce qui m'agace un petit peu. La com, oui, ça c'est sûr. C'est un des défauts que j'ai noté dans les solutions, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que Sony va pouvoir continuer à faire la carpe? À ne plus communiquer du tout, parce que finalement sur une année, alors bon, il y a eu le Covid qui a fermé pas mal de salons, mais même quand il y en avait, ils n'étaient pas là. Il y a eu très très peu de communication, et là maintenant il va falloir marteler, parce qu'en face eux ils vont marteler, donc c'est vrai que c'est quand même un des points qu'il va falloir corriger sur la suite, quoi. Là-dessus, messieurs, je vais vous laisser en bonne compagnie du coup. Laurent, je te laisse les clés du podcast. Dac, tu me le rayes pas, hein? C'est laquelle pour fermer? C'est tu fous un coup de pompe dedans, normalement tu termines à l'arrache et puis ça passe. Il y a pas de problème. Okay. Voilà. Bon, je vous fais moi de mon côté des gros bisous. Désolé de me barrer un petit peu comme un voleur de poule. Ouais, va changer tes couches. Ça arrive. Ouais. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à dans deux semaines, je vous dis bon courage les gars, et puis n'hésitez pas chers auditeurs à dire un petit peu ce que vous en pensez sur l'article du podcast. Allez, bisous, ciao. Ciao, ça y est. Oui, donc pour en revenir à ce que l'on disait, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors là où je suis parfaitement d'accord, c'est que c'est vrai que si aujourd'hui Sony il avait envie de claquer 100 millions de 100 milliards, en parlant milliards, 100 milliards, il pourrait potentiellement le faire. Le souci, c'est que s'il déboursait 100 milliards sur une boîte comme Sony, il y a d'autres, je veux dire, Tech2 qui rachète un truc comme Zynga, c'est un nouveau marché qui s'ouvre à lui. Là, par contre, s'ils pompent 100 milliards sur leur truc, ils vont pomper tout le budget de la télévision, le budget du cinéma, le budget des studios. Donc c'est plus délicat. Par contre, ils pourraient se payer Tech2. C'est pas impossible. C'est peu probable, mais c'est pas impossible. C'est pour ça que je prenais l'exemple de EA, parce que EA, je crois qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le studio, c'est l'éditeur de JV, je crois, le... en tout cas occidental, il me semble que maintenant c'est EA qui sont devant avec 35 milliards en cotation, en cotation. Mais après tout à fait, enfin c'était moi c'était ce que je voulais dire, hein. C'est sûr et certain que Sony il pourrait pas claquer 100 milliards. Mais on peut se dire que ils peuvent aller jusque là. Après, jusqu'à présent, les rachats de Sony quand même ont toujours été plutôt des... ça fait quand même drôle de dire des petits achats quand on pense quand même que c'est des plusieurs pains au chocolat. Non, dans des chocolatines, monsieur. Ah oui, c'est vrai, merde. Ben oui. Oh putain, c'est vrai que t'es parisien, parisien. Eh ben oui, sud-ouest représente le Quercy. non, enfin si, il représente le Quercy, bien sûr, mais non, pour être plus sérieux, c'est vrai que quand même, enfin Insomniac, c'était quand même 230 et quelques millions de dollars, c'est quand même des sommes, c'est pareil, enfin qu'est-ce que ça veut dire pour nous, 230 millions de dollars, quoi, c'est quand même pas des petites sommes, mais aujourd'hui, ça paraît, enfin, il y en a beaucoup qui font des raccourcis, on dit 67,7 milliards, ouais, bon, ça fait 68, ouais. En fait, quand tu réfléchi à ça. En fait, c'est 300 millions. C'est justement, c'est global. Enfin, c'est le rachat d'Insomniac quand même. Enfin, non, c'est pas peanuts en fait. Mais je veux dire, ces chiffres donnent tellement le tournis aujourd'hui que on est plus capable on comprend vraiment plus rien. Et c'est ce que disait Sei il y a quelques instants, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ces histoires de gros sous, c'est pour hallucinant. Nous, c'est hallucinant. C'est hallucinant, ça veut plus rien dire. Après, il y a une carte à jouer, parce qu'à mon avis, il ne faut pas se mentir, hein, les entreprises entre elles, elles se font des coups bas. La carte à jouer, c'est qu'en ce moment, quand même, Activision Blizzard, qui a quand même traversé une année qui était difficile, avec des grèves et des grèves, et des gens qui, des développeurs qu'on aura le bol, à cause des soucis qu'il y a eu en interne. Alors, il y a une partie de ces gens-là qui vont se dire, chouette, Microsoft arrive, ça va changer. Et puis, il y a une partie qui vont dire, il y en a ras le bol, je me barre. Et est-ce que ce serait pas intelligent pour Sony, plutôt que de racheter des studios, de monter de toute pièce un studio juste à côté pour que les gens restent chez eux, qu'ils soient pas obligés de partir de leur ville, mais de monter un studio qui soit vide et de récupérer une partie de ces talents qui veulent partir justement pour créer de nouveaux studios. Ça coûterait rien. Parce que créer un nouveau studio, c'est juste une ouverture d'entreprise. Elle n'a pas fait de chiffre encore, donc elle ne coûterait rien à produire. Par contre, tu chopes les talents et tu développes de nouveaux, parce que Call of Duty, c'est quand même une licence qu'on se bouffe depuis je sais pas combien d'années. Il y a bien un moment où c'est qui les gens, un petit peu comme c'est arrivé avec Assassin's Creed, il y a un moment où les gens vont peut-être en avoir marre, où les ventes vont commencer à s'affaisser, et c'est peut-être là que carrément de partir d'une feuille blanche et de proposer une toute nouvelle licence sur un nouveau studio et d'arriver à s'imposer aussi comme ça, d'arriver à parce qu'il y a peut-être un moment où il y a des licences qui, comme Call of Duty, c'est bien, c'est la plus vendue, mais pendant combien de temps ça va durer encore que les Call of Duty vont marcher comme ça. Déjà avec Vanguard, on sent que c'est moins bien que d'habitude, mais est-ce que ça va, comment ça va évoluer, voilà. Donc il y a une des solutions, ce serait le rachat, c'en est une, bien sûr, racheter Take-Two, moi je serais pour carrément, parce que là ça replacerait Sony, c'est pas pareil parce qu'on a GTA derrière, donc là c'est plus pareil, Sony reprendrait Red Dead, ouais. Et puis en plus c'est un studio qui est quand même très proche de Sony, donc ça pourrait fonctionner. Ça coûte une petite blinde, mais pourquoi pas. L'autre truc, ce serait ne pas racheter de studio pour ne pas trop dépenser et faire des économies, mais essayer d'en monter de nouveau. Tout à l'heure je parlais de Haven Studio, mais il y en a d'autres qu'on connaît certainement pas, notamment quand Japan Studio a un petit peu explosé. On sait qu'il y a quelques développeurs qui sont partis pour monter leur propre studio, mais on ne sait pas encore par qui ils sont financés, ces studios. Donc est-ce qu'ils n'auraient pas quand même un contact avec Sony? Est-ce qu'ils ne seraient pas financés par Sony? Ces studios font pas partie, sont pas encore connus parce que les jeux ne sont pas sortis, c'est des nouvelles licences. Donc il y a cette deuxième possibilité pour sortir un petit peu de ce bazar. Et puis il y a quand même autre chose qu'il faut quand même parler, c'est l'AVR, le PSVR 2 qui est annoncé. Qui de toute façon, maintenant qu'il est annoncé, ils vont pas bien pouvoir reculer. Ça fait un peu peur parce qu'on se dit, quand on se prend un truc pareil, est-ce qu'il faudrait pas non plus qu'ils abandonnent le PSVR? Ça, j'y crois pas du tout, parce que déjà parce qu'il est annoncé, puis l'autre chose, c'est que c'est une porte de sortie possible. Imaginez le PSVR 2 fait un carton. Sony pourrait revenir grâce au PSVR 2. On ne sait pas, hein, s'ils en mettent plein la vue et que les gens ils le voient, ils disent putain mais c'est trop génial, j'en veux un. C'est comme tout à l'heure, je parlais du Walkman, ça peut être potentiellement un produit qui explose. Donc le PSVR 2, faut pas l'oublier, quoi. Surtout qu'on n'est plus, comme en 2016. Hein. Aujourd'hui, le marché de la VR, il s'est quand même solidement installé. Il commence à être de plus en plus, grand public. Quand même, il y a de plus en plus de solutions autonomes. Avec Facebook, le Quest 2, ça commence à être popularisé. Ça commence à, les joueurs PlayStation, ils ont entendu parler du PSVR. Ils voulaient pas y aller parce que la PS4 était limite en puissance. Maintenant, si la PS5, elle envoie du lourd, un petit peu comme ce qu'on vient de voir sur Horizon Zero Dawn, Horizon, Call of the Mountain, là c'est sûr que ça peut fonctionner autrement. Donc c'est là où on revient au créateur de PlayStation qui vient critiquer le 20 janvier la réalité virtuelle. C'est un peu bizarre quand même que bon, bref. donc l'AVR, c'est un de ces trucs qu'il faut pas qu'il lâche. Sony, de toute façon, c'est une société qui innove, qui a toujours avancé comme ça avec l'innovation, et donc potentiellement ce serait une autre corde à leur arc que en plus Microsoft n'a pas. Donc bon, alors après, faut pas se mentir, si ça cartonne, Microsoft, ils vont arriver derrière. De toute façon, ça c'est sûr. Mais bon, ça, ils pourraient avoir une petite longueur d'avance pour gagner un peu d'argent qui leur permettrait de racheter les studios, etc. Et puis communiquer, ça c'est un des trucs qui est hyper important parce que ils peuvent. Enfin, pour moi, je trouve personnellement qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire la carpe après ce qui vient de se passer. Il va falloir qu'ils réagissent et qu'ils réagissent assez vite et qu'ils soient là, quoi. Qu'ils communiquent, qu'ils sortent des jeux, qu'ils communiquent avec les joueurs. Parce que là, c'est vrai qu'on a passé une année où on a un peu l'impression que, bon, ils parlaient de temps en temps dans des petits événements qui étaient tous les 3 ou 4 mois. Mais c'était quand même, il y avait quand même très peu d'informations qui sortaient, quoi. C'est sûr. Après, je pense que au-delà, en plus, dans tous les cas, c'est vrai que je voulais juste rebondir sur la question de la VR. Dire Sony aujourd'hui, je crois que le projet Morpheus, on en a entendu parler en 2015, hein, peut-être même un peu avant. 2014. 2014. Le nom PlayStation VR, ça a été déposé début 2016. Enfin, aujourd'hui, ça va bientôt faire 6 ans. Que le PlayStation VR il est sorti quand même, donc dans tous les cas, même si le PlayStation VR 2 il cartonne, il n'est pas encore sorti, est-ce qu'il sortira en fin d'année, est-ce qu'il sortira début ou courant 2023, ça on verra bien, mais bon, ce qui est sûr c'est qu'ils ont déjà, si Microsoft se lance, ils auraient quasiment 10 ans de retard, quoi. Bon, même s'ils ont créé des casques de réalité virtuelle, bon, mais enfin, bon, quoi, pas... Ils n'ont rien créé, Microsoft, ils ont créé les manettes, parce que les casques, ils les avaient fait avec des partenaires. Voilà, c'est ça, les casques, c'est Lenovo, les casques, c'est Samsung, c'est Acer, Dell. On a dû être très contents de les faire d'ailleurs, ces casques. Ouais, puis ils étaient à peine sortis qu'ils les ont virés du marché, donc ça pouvait pas marcher. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis. Oui, non, mais justement, ils ont vraiment dû être très très contents de les faire, ces casques. Ah, bah, les partenaires, ils ont dû chialer par contre. Ah, ouais, mais c'est ça que je veux dire. C'est ça que je voulais dire. Enfin, moi, je me mets à leur place. Ok, super. Ouais, merci, les gars. Enfin, bon. Mais. Mais après, oui, t'en parlais il y a 5 minutes aussi sur la potentialité de en effet d'aller récupérer des studios. Mais c'est quand même ce qu'ils ont fait avec Stadia, parce que Haven s'est émis. J'allais dire White House, n'importe quoi. J'ai bouffé son nom. Elle est une très jolie jeune femme. Amy Henning, n'importe quoi. Amy Henning, donc, qui était la boss des studios Stadia. Ouais. Puis bon, dès que ça a été annoncé fermé, elle s'est barrée. Et en effet, Haven, aujourd'hui, c'est PlayStation qui est derrière en financement à 100%. Quoi. C'est donc, ça. Ouais, Sony, ils sont tout à fait capables de ça. Et de toute façon, enfin, je pense que connaissant Sony, ça n'a jamais été des gens qui ont fait des choix complètement, enfin, des fois peut-être, mais enfin, je veux dire, Sony, ça a quand même été, on en parle, ça a toujours été l'innovation, donc ils ont quand même toujours été en mouvement de chercher plusieurs portes de, pas de sortie, mais de travailler sur plusieurs terrains. Des moyens de développement. Ouais, voilà, exactement, et merci Laurent. Désolé, je m'y perds un peu là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que je pense que Sony, aujourd'hui, de toute façon, on le voit, hein, c'est déjà le cas aujourd'hui. Ils rachètent des studios, ils en ont créé un. Dans le même temps, dès qu'il y a des salariés qui veulent pouvoir. Parce que dans des superstructures, ça s'est mal passé, comme là avec Stadia. Enfin, Stadia, c'est quand même Google derrière, c'est pas rien. Hein. Et puis, Amy Henning, elle avait été présentée en grande pompe, hein, quand ils ont annoncé les studios Stadia. Sony, ils ont été directement derrière. Et on sait que Sony avait eu très peur, hein, de l'arrivée de Google avec Stadia dans le monde du jeu vidéo. Donc voilà, hein, ils savent faire, Sony. Ça, je suis pas si inquiet que ça. Sony, on les a déjà cru morts. Combien de fois pendant la PS3 on pensait qu'ils étaient morts? Enfin, je suis pas inquiet. Et pour le dernier point, si j'ai tout bien noté par rapport à ce que tu disais, le dernier, ouais, c'est sur la communication. Après, l'année, enfin, c'est vrai que l'année 2021, mais comme l'année 2020, hein, Sony l'avait précisé, puis ils l'ont redit, pour l'année de la PlayStation 5, à la base, ils avaient prévu d'être un peu partout. Et puis, bon, bah, avec la Covid, ils n'ont pas pu l'être. Et puis, en 2021, je pense qu'il y a, ça a été. Enfin, ça a été compliqué pour tout le monde. Hein. Ça a été une année de report, à plus savoir qu'en faire. Oui, ça a été la Enfin, galère, on oui, c'est sait sûr. que Horizon, par exemple, Forbidden West, on peut être sûr que normalement, ça aurait dû être le jeu de septembre. Enfin, moi, je pense vraiment entre septembre et novembre 2021, quoi. Mais bon, ben, ça n'a pas pu être le cas parce que, quand tu dois, y avait eu un. Je me rappelle plus de l'article, je sais plus c'est qui, plus qui l'avait fait, mais qui disait quand même que pour Horizon, il y avait par exemple pour les motion capture, il y avait fallu amener tout le matos chez l'appartement des acteurs. Et enfin, t'imagines le bordel, Avec le quoi. chat au Enfin, je veux dire, milieu. c'est. Ouais, non, mais c'est ça. Bon, remarque, dans Horizon, il y a beaucoup de faune, Ouais. donc tant mieux, hein. Mais enfin, je veux dire, c'est un vrai calvaire. Et puis, la PlayStation 5, aujourd'hui, enfin, ils n'arrivent pas à en produire, quoi. Donc, ce qui peut peut-être aussi, des fois, expliquer les cernes de Jim Ryan. Enfin, je veux dire, le mec, à mon avis, alors, Ah mais pas que lui, je pense c'est que pas c'est surtout le facile. poids qu'il a sur les épaules. Et puis Mais tous ceux qui alors, doivent connaissant produire, bien c'est. le monde des micro-composants, parce que je connais bien des sociétés sur Grenoble qui sont là-dedans, il y a certains clients qui arrivent et qui vont payer un peu plus cher pour réserver du stock. Et ça, c'est courant. Donc si en plus Microsoft, qui a l'argent, arrive à se réserver plus de composants pour sortir plus de séries X, ça doit être encore des nuits blanches en plus. Donc y a tout Oui. ça qui est compliqué. Le Covid, ça complique beaucoup de choses en fait. Bien sûr. Mais surtout que Microsoft, ils ont un partenariat privilégié avec AMD, hein. Parce qu'il Oui. n'y a pas que les consoles, hein. Ils ont aussi un partenariat pour tout ce qui est serveur Azure, pour tout ce qui est technologie, tout ce qui est DirectX 12 qui est implémenté dans leur carte graphique pour le monde des PC. Donc c'est vraiment pas évident aujourd'hui c'est vraiment pas évident aujourd'hui pour Sony. Enfin, la PS5, c'est une galère absolue à l'avoir. Peut-être que maintenant ça va un peu se calmer dans les mois qui arrivent, mais enfin pour le moment on n'y est pas encore. Et puis derrière ils ont quand même, enfin il y a Sony là en début d'année, ils ont, enfin mine de rien entre le God of War sur PC, la collection Uncharted 4, Uncharted Lost Legacy qui sort sur PS5 mais qui doit aussi sortir sur PC, un mois de février avec Horizon Forbidden West, un mois de mars avec Gran Turismo 7. Le nouveau God of War Ragnarok, qui, enfin, on ne sait pas trop encore quand il va sortir, mais qui ne devrait pas tarder. Et puis il y a aussi le dernier jeu de Bethesda dont on parlait tout à l'heure, la Ghostwire Tokyo, hein, qui est normalement annoncé pour le printemps 2022. Avec aussi, c'est plus Forspoken, si c'est Forspoken, si c'est Ouais, Forspoken, oui, le Forspoken qui titre doit débouler, de. mais ça c'est Square Enix. Ça, soit c'est Square Enix, mais normalement c'est pareil, il sort enfin, dans le printemps, enfin au printemps 2022 là, donc dans les 3-4 mois qui viennent. Enfin, je veux dire, c'est quand même, enfin, ils ont quand même beaucoup à faire, et puis ils sont quand même partis dès le début de l'année sur une campagne de communication autour de la réalité virtuelle, quoi. Donc, enfin. À un moment, je pense que c'est pas évident, c'est pas Ah bah, évident à de gérer, toute quoi. façon, c'est sûr que le souci en fait du jeu vidéo, c'est qu'il faut pas oublier qu'on dit souvent que sur les réseaux sociaux, les gens sont un peu ce qui est vrai hein, dans le jeu vidéo, les gens sont intransigeants. Ils vont tailler un bon jeu, ils vont dire ouais, bah, Sony, eh bah, ils avaient qu'à faire mieux. Mais Coco, quand t'as pas l'argent pour faire mieux, tu fais comment? Mais souvent aussi, il y a aussi beaucoup de commentaires qui sortent de personnes qui ont 14 ou 15 ans et qui savent pas tout ça. Donc il faut pas non plus. C'est vrai que c'est un marché qui est compliqué et avec le temps, tu t'aperçois que final, eh ben, il y a des gens, ils balancent des commentaires sans savoir de quoi ils parlent. Mais bon, bref, là maintenant, Sony, bon, ils ont quand même dépensé pas mal, hein, parce qu'ils ont racheté Osmark, ils ont racheté Bluepoint, Nix, qui va avoir une grosse utilité pour les portages sur PC, ce qui en plus montre que Sony va s'ouvrir au PC. FireSprite, Fabric Games, Valkyrie Entertainment, ils ont aussi acheté le tournoi de jeux de combat EVO. Donc, ils ont fait quand même pas mal d'achats sur cette période pour une société de cette taille-là. Ça va continuer, les investissements ne vont pas s'arrêter là, ça c'est sûr. Chez Epic aussi, hein, pour oui, Unreal, hein, oui. Ils ont investi. Hein, ah oui, oui, 250 millions. 450, ils ont investi. Ah, 450, ouais, pardon. 250 millions en 2021, et, non, en 2020, et 200 millions en 2021. Donc, ouais, quand même, hein. Donc bon, il y a des gros investissements qui sont partis, ouais. Ça va continuer. Bien sûr, en face, ils n'ont pas la force de frappe de Microsoft, c'est sûr, mais ils ont d'autres moyens. Et l'un de ces moyens, c'est le contrôle qualité. C'est je veux dire un The Last of Us 2, c'est bon, certes, c'est peut-être 7 ou 8 ans de travail. Je ne sais plus combien de temps ils ont mis pour le faire celui-là. Oh là, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, ouais. Je sais pas combien de temps. Mais derrière, pas, mais... derrière le jeu, il n'y a quasiment pas eu de mise à jour de correctifs ou de choses comme ça, parce qu'il était parfait. Ouais. Donc il y a un savoir-faire. Il y a quand même des studios derrière qui ont un sacré savoir-faire. Est-ce que Sony, aujourd'hui, même s'il a un chiffre d'affaires inférieur à Microsoft, ne pourrait pas, par exemple, devenir le HBO des séries, alors que Microsoft deviendrait le Netflix des séries, quoi. Je veux dire, ça pourrait être un truc comme ça. Donc, on va voir comment ça va bouger. En tout cas, il y a encore une autre possibilité qu'on n'a pas encore abordée. On va parler maintenant des GAFAM ou des GAMAM, parce que Facebook, maintenant, c'est Meta. Donc, c'est les GAMAM. Ben, on va pas s'y faire, parce que GAFAM, c'est bien rentré dans le langage. Et essayer de voir un petit peu... ce qu'il y a aussi ça, c'est que Sony vient de perdre 20 milliards. Sony va peut-être baisser aussi, va perdre peut-être un peu d'argent et va attirer des gros poissons parce que ce rachat de Microsoft, il faut pas oublier que Phil Spencer avait quand même prévenu que ses principaux concurrents aujourd'hui, c'était ni Nintendo ni Sony, c'était les autres GAFAM, donc Amazon, Apple, Google, voilà, Facebook, ça c'est les concurrents. Et donc les concurrents, ils regardent le marché, ils regardent Microsoft qui est en train de tout bouffer, qui est en train de petit à petit de bouffer tout ce qui peut se faire en jeu vidéo. Et qui seront bientôt complètement incontrôlables et impossibles à rattraper surtout. Donc, tout à l'heure, je parlais de la bombe atomique d'Activision avec toutes les radiations qui allaient avec. Et là, on va parler des radiations. C'est-à-dire ce qui va faire réagir les autres GAFAM, on va les appeler comme ça, parce que ça doit autant ça grouille dans les bureaux de Sony en ce moment, autant ça grouille autant chez Amazon, chez Google ou chez Apple ou chez Facebook en ce moment. Parce qu'ils se disent, mince, il attaque fort, maintenant il faut qu'on réagisse si on veut être sur le marché du jeu vidéo. Donc dans les premiers, on va commencer par le plus petit, qui est Facebook, qui fait 989 milliards de dollars en capitalisation boursière. Alors eux, à mon avis, ils ne seraient pas intéressés, pas forcément par Sony. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, un autre cheval de bataille, c'est déjà ils vendent de la donnée via Facebook. Ouais. Bon, ils ont bien assez de procès comme ça sur le dos. Et puis, ils sont super bien placés au niveau de la VR autonome. Ils ont ça à développer. Plus tard, ça va aussi s'orienter vers le métaverse comme horizon. Et puis aussi un système d'exploitation qui sera certainement leur propre système d'exploitation sur des ordinateurs virtuels grâce à des nouveaux casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Donc, je pense pas que ce soit le GAFAM idéal pour un rachat. Alors, quand on dit rachat, il faut bien préciser, c'est soit un rachat à 100%, ça peut être aussi un rachat à moins de 50% et de laisser la société évoluer seule tout en étant majoritaire dedans, quoi. Sans être majoritaire, en laissant la société majoritaire, en fait. Voilà. Donc, Facebook, on va l'écarter. Toi, t'en penses quoi, toi, de Facebook ? Je suis globalement d'accord. Je vois pas... Je vois pas l'intérêt, Facebook, surtout, franchement. Ouais. Non, je vois pas l'intérêt ni pour l'un ni pour l'autre. Non, Facebook, après il y en a peut-être, mais j'en vois pas vraiment. Puis sachant qu'en plus ils ont, enfin il y a pas très longtemps, c'est Mark, je sais plus comment là, qui s'appelle. Mark Zuckerberg. Il a taclé quand même indirectement le PlayStation VR 2 en disant en parlant des casques avec du un fil, câble. Ouais. Enfin bon, ouais, du fil, ouais. Enfin bon. Non, ouais, je le vois pas. J'ai vraiment du mal à y croire. Ensuite, en deuxième, on a Amazon avec à peu près 1600 milliards de capitalisation. Alors Amazon, eux, en force, ça reste quand même la livraison. Tout le monde connaît Amazon, hein. Mais par PIB contre, PIB d'Italie, quoi. Voilà. Et mais par contre, ils ont quand même un des services de cloud les plus. Enfin, c'est eux. Je crois que c'est eux qui ont le plus de data centers dans le monde. Alors après, comme tu disais, alors tu nous expliqueras juste après, ils sont peut-être moins performants parce qu'ils sont moins, ils sont plus vieux en fait les serveurs que les autres services de cloud. Mais en tout cas, ils ont un réseau énorme de cloud avec Amazon Web Services. Par contre, eux, ils ont envie de se mettre dans le jeu vidéo. Ils ont fait leur Luna, qui apparemment va pas faire beaucoup de vagues, en tout cas dans le monde du jeu vidéo pour l'instant il fait pas beaucoup de vagues, donc ils auraient peut-être un intérêt à essayer de se rapprocher de Sony. Par contre, faut pas oublier que Sony a signé un partenariat avec Microsoft et surtout Azure pour le cloud et pour le PlayStation Now et tout ça. Et juste avant, et ben en fait, ils étaient en négociation avec Amazon parce qu'avant, le PlayStation Now était chez Amazon. S'ils ont quitté Amazon comme ça, c'est qu'il s'est peut-être passé quand même des petites tensions entre Sony et Amazon, ce qui pourrait un petit peu les mettre de côté en sachant peut-être que ça s'est pas forcément bien passé pour qu'ils partent chez Azure. Donc bon, potentiellement pourquoi pas, mais c'est pas le choix numéro un pour nous, un rachat par Amazon, quoi. Non, je suis tout à fait d'accord. Ouais, sachant que le projet Luna a été dévoilé quelques mois après que PlayStation ait annoncé, enfin PlayStation Sony, hein, mais enfin on se comprend bien sûr, ait annoncé qu'il signait un contrat avec Microsoft, un partenariat d'ailleurs avec Microsoft, où eux ils ont accès à toute la technologie Azure et Sony, eux ils les aident sur tout ce qui est microconducteurs, etc., etc., quoi. Donc, non, ouais, j'ai beaucoup de mal à y croire. Et puis, en effet, enfin, alors, Amazon, plus que des questions, des fois, juste de simple, on va dire, de performance, ils ont surtout des data centers qui sont extrêmement énergivores. En fait, c'est les plus, c'est ceux qui consomment le plus, et c'est ceux qui se consomment le plus parce que c'est aussi les flottes les plus anciennes, les plus vieilles, quoi. Donc, alors après, Amazon, après tout, hein, ils ont, enfin, avec 1600 milliards. Oui, ils peuvent les rénover. De capitalisation, ils peuvent les rénover, ils peuvent, voilà, c'est pas le sujet, mais au-delà de ça, moi, c'est ce qu'on se disait hein, vite fait cet après-midi. Quand on s'est appelé pour parler un petit peu de l'émission de ce soir, c'est que en effet, enfin moi au-delà de ça, je vois pas, enfin Amazon, je vois pas. Alors oui, ils ont Prime Video, puis ils ont quand même, enfin attention, hein, ils ont quand même très certainement, enfin aujourd'hui c'est sûr, la série qui va coûter la plus chère au monde avec Le Seigneur des Anneaux. Mm-hmm. Enfin, la première saison, elle a annoncé pour quasiment 500 millions de dollars de budget, quoi. Enfin, c'est un délire. C'est un délire. C'est je sais même. Enfin, c'est complètement délirant. Et je crois qu'ils ont annoncé 2 milliards de budget en tout pour la série. Enfin, en tout cas pour les 4 premières saisons. Game of Thrones, c'était 15 millions l'épisode. Non. Ouais, voilà. Mais t'avais huit épisodes. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est 150 millions. T'en avais 10 sur 8 saisons. Ouais, voilà, donc au mieux c'était 150 millions. Enfin là on passe à 450 millions. Enfin c'est délirant, quoi. Là l'inflation elle est violente. Donc oui, peut-être par ce biais-là, quoi, avec puisqu'après tout Sony c'est aussi aussi peut-être même des fois certains diraient surtout quand même Sony Pictures, c'est le cinéma, c'est aussi tout ce qu'on connaît en termes de production de caméras, de matériel de cinéma pro, cinéma pro, tout, enfin voilà, les écrans calibrés aussi, enfin toutes ces choses. Donc on peut se dire ouais, pourquoi pas, mais je trouve ça assez limité. Alors après d'autres diraient oui, mais enfin bon, quand on rachète un groupe, bon, on se dit qu'on peut se créer, justement. Nous, on fait pas du tout ça, mais peut-être que ça peut nous permettre de faire ces choses-là, justement, parce qu'on ne les faisait pas du tout. Donc, ça peut s'entendre, mais... ouais, mais c'est pas les atomes crochus les plus... Disons que ça va s'accrocher sur Prime, parce qu'il va avoir besoin de contenu, donc il sera très content d'avoir les studios de Sony Pictures. En photo, par contre, et en matériel, c'est pas forcément leur gagne-pain à Amazon, donc ils vont peut-être se retrouver retrouver avec un, faudrait pas qu'ils se retrouvent avec un cadeau empoisonné à pas savoir qu'en faire et à laisser Sony gérer ça parce qu'ils savent pas le gérer. Surtout que là, on parle d'un rachat qui ferait quand même 140 milliards, donc c'est pas forcément les meilleurs. Et c'est un petit peu pareil pour Google qui ont Stadia, qui eux pèsent 200 milliards en ce moment de plus qu'Amazon, mais ça fluctue tout le temps. Hein. Des fois c'est Amazon qui passe devant, des fois c'est Google, des fois c'est et eux c'est pareil. Ils ont Stadia. Alors est-ce que ça serait super d'avoir tous les jeux PlayStation dans Stadia, mais à côté de ça, Google, ben c'est pareil quoi. Niveau studio, je les vois pas. Ils n'auraient pas beaucoup d'intérêt, ouais, en fait. Ouais, Stadia, quand on parlait de Amy Henning il y a 10 minutes, enfin, je veux dire, Stadia, c'est la technologie, c'est sûr, elle est vraiment top. Hein. Mais après, derrière, quand on voit comment Google a géré son entrée dans le jeu vidéo, c'est quand même assez catastrophique au global, la technologie. Là, hein. Là, en plus, ils ont fermé leur studio, donc personne ne parle de Stadia aujourd'hui. Quoi. C'est ça, donc il y a la technologie qui est formidable, mais en dehors de ça, une technologie, c'est cool, mais après, derrière, faut assurer. Quoi. Donc, j'en parlais aussi tout à l'heure. Enfin, PlayStation ont eu la trouille de Google, hein, avec leur arrivée sur Stadia. Dès que ça se casse la gueule et que leur studio à Stadia se ferme, ils courent. On peut pas dire qu'ils courent, mais ils ont été voir Amy Henning et ils ont financé leur projet et leur studio donc à 100%. Donc du coup, Haven, hein, c'est ça. Ouais. Le nom du voilà. Haven Studio. Ouais, ouais. On va entendre reparler. D'ailleurs, ce studio, quand il a été ouvert, il y a eu un article sur le PlayStation Blog. Ben voilà, exactement. Donc, je veux dire, exactement, la boucle est bouclée. Donc, j'ai envie de dire, j'ai du mal aujourd'hui à... j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui, Sony va aller taper à la porte de Google ou Google aller voir Sony, alors que le but de Google, c'était quand même justement vraiment de rentrer dans le marché et de le casser, quoi. Mmh. Leur but, c'était quand même de casser le marché de la console de salon traditionnelle et dire, voilà, nous, la console de salon, on l'amène directement dans votre télé via Internet. Donc, d'ailleurs, Google faisait flipper Microsoft aussi. Hein. C'est pour ça aussi qu'ils ont sorti l'artillerie lourde. Mais c'était de là qu'ils avaient proposé la Sainte Alliance à Sony et Nintendo, d'ailleurs, en disant, les gars, venez avec nous, faut qu'on s'unisse contre les nouveaux qui arrivent. Bon, et là aussi, on voit qu'à la fin, Sony, ils ont fait un partenariat, mais ils ont peut-être fait un partenariat un peu à part dépit à ce moment-là aussi. Hein. C'est tout à fait probable. Donc ouais, non, j'ai du mal à... tout est possible, hein, bien entendu, hein. Mais Amazon, je mettrais pas, puis toi non plus, du coup, ce que j'ai compris, Laurent, nous on n'y mettrait pas, notre paye dessus, voilà, quoi. parce que tout simplement parce que ils étaient chez Amazon. Ils ont voulu avoir plus de services parce qu'il y avait d'énormes soucis, passer un temps avec le PlayStation Now au niveau des débits, au niveau du cloud Amazon. Derrière, après, ils ont commencé à dire qu'il leur fallait plus, tout ça. S'ils sont partis chez Azure, c'est qu'à un moment, il y a eu un clash. Alors, est-ce que Amazon voulait les faire payer trop cher pour un service supplémentaire? On ne saura jamais ce qui s'est passé. En tout cas, c'est pas le truc. C'est pas le machin qui s'emboîte parfaitement avec Sony, on va dire. C'est pas la pièce qui s'emboîte. Après Google, pareil. Après, il y en a un qu'on parle pas, mais c'est Microsoft. Parce que. alors, eux, c'est 2280 milliards de capitalisation. La France. Pour l'instant. Pour l'instant, parce que ça va monter. Ouais. Le PIB de la France. Donc, eux. Alors, eux, ce serait complètement dingue que ça arrive. Imaginez le truc, Microsoft rachète Sony. Alors ça serait pas sans créer de tension, parce que les joueurs Sony ils vont pas forcément être contents de se retrouver dans le Game Pass. Pas tous, hein, mais il y en a. Après, ça serait complètement étonnant aussi venant de Sony de se laisser racheter. Alors il peut y avoir des OPA. Un petit peu violente, mais c'est quand même rare, ça. Donc, en général, c'est quand même des accords. Une OPA à 150 milliards, voilà, là, quand même. C'est quand même des accords. Mais, Microsoft, peu probable. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Et le dernier, c'est quand même celui qui nous a le plus... avec qui toutes les pièces s'emboîtent, c'est Apple. Donc, je te laisse démarrer et puis si je vois que tu as oublié des trucs, j'en rajoute. Bon, ben oui, bon, de toute façon, je vais en oublier. Puis le but, c'est quand même qu'on soit dans une discussion. Ouais. Mais oui, moi, c'est un peu l'interrogation que je me posais. Alors, encore une fois, bien sûr, dans cette hypothèse avec donc les GAFAM, en termes de rachat, moi, je me suis posé un peu quelques questions quand l'année dernière, il y a eu d'un seul coup une offre qui a popé par PlayStation qui annonçait que voilà, jusqu'en juillet 2022, quiconque aurait une PlayStation 5 bénéficierait de 6 mois gratuits à Apple TV+. Alors, moi, ce qui m'a surpris de prime abord, c'est surtout depuis quand Apple offre ses services sur d'autres plateformes. Enfin, Apple, ils sont quand même pas connus pour être... Pour être des gens très ouverts par rapport à leur écosystème, ou même des gens célèbres pour dire « Ah ouais, on vous offre des choses », c'est quand même pas leur truc. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu achètes le boîtier Apple TV, il t'offre 3 mois d'Apple TV+. Enfin, et puis, t'as acheté le boîtier, donc bon, je peux pas vraiment parler non plus d'une offre peut-être stricto sensu. Et là, non, t'achètes une PlayStation 5 et t'as le droit au double. 6 mois d'essai gratuit. T'as le droit à 6 mois d'essai gratuit, donc au double de quand tu achètes l'Apple TV, quoi. Donc là, je sais pas, j'avais eu un tilt, et puis bon, après, ça s'était arrêté là, hein, j'avais pas fouillé plus loin. Et là, depuis... j'ai fouillé par contre. Ouais, depuis c'est je te laisserai dérouler, mais depuis ce qui se passe ces 48 dernières heures, c'est vrai que il y aurait quand même beaucoup de sens entre le fait que Sony et Apple se rapprochent et se mettent à travailler ensemble. Alors, un rachat ou, comme tu disais, ils achètent des parts assez importantes dans l'entreprise Sony, 20, 30, 40, tout en laissant Sony maître de sa société. Ça, c'est possible. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait possible aussi. Et derrière, c'est un gros partenariat de soutien et ils avancent ensemble. Tout à fait. Ouais. C'est exactement. Et en fait, c'est vrai que c'est mes réflexions propres. Mais Sony, c'est vrai qu'on a quand même, des fois, on l'oublie souvent. On pense souvent Sony PlayStation, ou derrière, on pense à Sony Cine Pictures, ou peut-être un peu derrière aux télévisions et autres. Mais justement, Sony, c'est avant tout, c'est le capitalisme industriel, quoi, Sony. C'est-à-dire, Sony, c'est des rois dans tout ce qui est appareil photo réflexe hybride, par exemple. C'est les rois dans la télévision, c'est les rois dans les capteurs photos, les capteurs photos qu'on a dans nos smartphones, mais y compris d'ailleurs chez Apple tous les iPhones, et leurs iPhones, c'est, et leurs iPhones, c'est des capteurs Sony, et puis etc. etc. Enfin, je veux dire, Apple, c'est les MacBooks. Sony, ils ont quand même eu une expertise pendant très longtemps dans le monde de l'ordinateur. D'ailleurs, Marc Cerny, quand il avait fait son road tour tout PS5, oui, il avait remis un PC avec le logo Vaio, voilà, exactement. Enfin, je veux dire, Sony, c'est à côté de ça, c'est quand même des gens qui produisent. Alors, on l'oublie aussi, mais par exemple, l'écran l'écran OLED de la PlayStation Vita, c'était Sony qui le produisait. Sony aujourd'hui, puis leurs téléviseurs, alors à part les écrans OLED, parce que les écrans OLED, bon, on le sait, enfin, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est LG, enfin LG Display surtout, qui fabrique les dalles pour le monde entier. Mais au-delà de ça, Sony, leurs dalles mini LED ou LED, ou enfin qu'importe, c'est eux qui les font. Hein. Donc, et justement, à côté de ça, Apple, avec leurs iPhones, avec leur Mac, leur télé, leurs iPads. Avec... leurs iPads, avec en effet Apple TV+, avec leur service de streaming, enfin bref, voilà, je pense que tout le monde connaît quand même globalement Apple et ce qu'ils font. Je trouve qu'il y aurait quand même en effet des atomes crochus assez forts et un vrai win-win en fait dans l'idée d'un rapprochement entre les deux groupes en termes de son aussi, hein, parce que aujourd'hui Sony, c'est enfin en termes sur le son, sont les meilleurs, hein, je veux dire, si tu alors si... Bon, il faut mettre de l'argent, ça c'est sûr, hein, mais les solutions audio qui sont très onéreuses chez Sony, qui des fois peuvent peser plusieurs milliers d'euros, hein, et là je parle juste pour écouter de la musique chez soi, et je parle pas d'une chaîne ici, hein, on parle de trucs, des boîtiers vraiment spécifiques pour le son, c'est les meilleurs, quoi. Et Apple aujourd'hui, ils ont quand même leur service avec Apple Music. Ils ont, enfin, Sony avait lancé l'audio 360 degrés, justement avec Deezer, par exemple. Donc, enfin, je veux dire, ça serait quand même un, enfin, il y aurait vraiment West win-win, quoi. Je suis désolé, j'arrive pas à l'exprimer au mieux. Ah, on mais c'est commence ça. Et à bien entamer la nuit. D'ailleurs, mais il y a vraiment un vrai win-win entre les deux, quoi. D'ailleurs, faut préciser aussi qu'il y a eu un article sur le PlayStation Blog de Apple Music qui sortait sur PS5 Ah ouais, aussi. d'accord, ouais, je ne savais pas, mais voilà. Donc, y a tout ça. Puis même à l'époque où toi et moi, on était les cibles préférées d'un certain groupe quand on parlait de l'architecture de la PlayStation Ah oui, 5, ben là, on s'en est pris plein les dents. on s'en était pris plein les dents, ouais. Et on avait directement nous rapproché l'optimisation du travail sur le matériel et logiciel de la PlayStation 5 à ce que fait Apple. Apple qui aujourd'hui, oui, voilà, ça que j'avais oublié, Apple aujourd'hui maintenant avec leur smartphone. Ça fait un bout de temps maintenant, enfin leurs iPhones, pardon, mais qui maintenant, même avec leur MacBook, créent aussi leur propre puce. Et faut pas oublier, tout à l'heure, je parlais par exemple de LG Display avec les dalles OLED, donc qui fournissent le monde entier. Mais je veux dire, quand tu as une dalle OLED de LG Display qui tourne derrière avec l'électronique embarquée et le savoir-faire de cinéma de Sony. Enfin, c'est pas la même télévision que t'as, hein. Je veux dire que bien des autres groupes. Donc non, je veux dire il y aurait vraiment un win-win assez intéressant. Je me rappelle il y a pas si longtemps que ça, dans la première moitié de vie des smartphones, ou quand Sony sortait leur propre modèle, les puces, les processeurs intégrés, c'était eux qui les faisaient. Donc on oublie, alors c'est pas non plus il y a 1000 ans, hein, mais le processeur Cell de la PlayStation 5, c'était un partenariat, hein, c'était IBM qui travaillait dessus, bien sûr, Toshiba, mais aussi et surtout Sony. Donc c'est quand même, on sait aussi, hein, que pour RDNA 2 de chez AMD, hein, que Sony, Marc Cerny l'avait dit, hein, que Sony avait travaillé main dans la main pour apporter énormément de technologies à AMD, enfin c'est pas des branques, quoi, Sony. C'est Et il y clair. aurait en effet, il y aurait vraiment un intérêt, sachant que Phil Spencer avait parlé de guerre des écosystèmes. Quelle meilleure guerre des écosystèmes que d'avoir d'un côté Microsoft avec Windows et de l'autre côté l'union autour de Apple D'Apple avec Sony. macOS, quoi. Alors, Voilà, c'est ça, oui, Apple après, Sony. on n'a pas précisé à Voilà. Apple combien ça pesait. Alors, vous prenez un Microsoft à 2 280 milliards. Vous rajoutez deux Netflix à 229 milliards et vous avez la capitalisation d'Apple qui est à 2 720 milliards. Donc c'est l'entreprise qui la plus riche au monde, en fait, Apple. Après, Ils ont même lancé une banque. ouais, voilà. Donc après, ce qui est intéressant aussi en indice, alors rien n'est fait, c'est juste, on est juste en train de se demander là quel GAFAM serait potentiellement. Il faut quand même regarder les publications du PlayStation Blog. Jusqu'à présent, PlayStation Blog, il parlait des jeux PlayStation parce que c'était le PlayStation Blog et on parlait de PlayStation. Éventuellement, de quelques petits trucs qui sortaient sur PlayStation, des accessoires, des choses comme ça. Depuis l'arrivée de la PS5, il y a la nouvelle télécommande qui est arrivée avec les expériences multimédia qui sont liées à la PS5. Donc déjà sur PS4, on avait Prime, on avait Netflix. Ben, YouTube, on l'avait aussi. Là, maintenant, il y a Spotify, Disney+. Mais il y a aussi Apple TV qui a fait son entrée sur la PS5. Et ce qui est drôle, c'est que sur le PlayStation Blog, il y a très rarement, il y a jamais eu d'article sur une série Netflix. Il y a jamais d'article sur une série Prime. Par contre, en ce moment, ils n'arrêtent pas. Donc, il y a déjà eu un premier article sur les nouvelles expériences qui parlait de l'arrivée d'Apple. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu un article sur le PlayStation Blog sur Apple Music qui sort sur PS5. Il y a eu un article pour le film de Tom Hanks, Finch, qui était sur Apple TV+. Il y a eu un autre article sur la série Foundation. Alors, si vous l'avez pas vu, c'est pas mal pour ceux qui aiment bien la science-fiction. Qui est aussi, c'est marrant, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, ça n'a rien à voir avec Sony, ça n'a rien à voir avec PlayStation. Mais pourtant, il faut un article sur le PlayStation Blog. Il y a eu aujourd'hui même... Alors ça aussi, ça m'a fait beaucoup rire parce que tout à l'heure, autant on disait « Tiens, c'est étonnant que l'ancien créateur de PlayStation balance que la VR, c'est de la merde comme ça aujourd'hui. » ils nous sortent quand même une série Apple TV sur le PlayStation Blog aujourd'hui, le lendemain du rachat de Microsoft, ce qui peut faire sous-entendre que Apple est pas loin derrière. Voilà, quand même. Donc, c'est peut-être de la communication, mais il y a peut-être autre chose. Il faudra peut-être du temps pour que ça se fasse. Mais en tout cas, ces deux-là, ils se rapprochent. Et puis, il y a autre chose qu'il faut aussi préciser, c'est que Apple et Sony, c'est pas deux gars qui viennent de se rencontrer et qui s'entendent bien maintenant et qui ils se connaissent depuis longtemps. Déjà Steve Jobs du temps que donc l'ancien directeur décédé d'Apple avait déjà déclaré que Sony alors Steve Jobs sur ses Mac, il n'a jamais voulu lâcher son système d'exploitation macOS 10 sur PC. Il voulait garder ça pour le Macintosh. Par contre, la seule marque pour qui il aurait accepté de laisser partir OS 10, c'était Vaio. Donc c'était Sony. Pourquoi ? Parce qu'il avait un énorme respect pour le créateur de Sony. C'était Kunitake Ando. Non, c'était qui le président de Sony ? Je ne me rappelle plus. Non, je ne vais pas t'aider là. Bon, bref, je ne sais plus. Non, je crois que ce n'est pas lui, ça doit être un autre. Donc, bref, à son décès, c'était Akio Morita. Akio Morita. Ah oui. Et à son décès, c'est Apple, c'est la seule keynote qui a mis une photo, donc avec Think Different, avec une grande photo de Akio Morita dans une keynote d'Apple. Du temps de Steve Jobs. L'autre truc, c'est que Apple serait aussi intéressé par toute la gamme d'appareils photo, parce que il serait chaud aussi pour se lancer dans les appareils photo des appareils photo Apple. Sony, ça se concorderait parfaitement également. Donc vous voyez, plus on avance, plus on s'aperçoit que de longue date déjà ils se connaissent, à tel point que même que Steve Jobs et l'ancien directeur de Sony, donc Akio Morita, mangeaient souvent ensemble. Et c'était même plus loin que ça, c'était même, il y a des fois, ils se téléphonaient. Et il y en a un qui prenait l'avion pour se retrouver je ne sais pas où, pour aller manger ensemble un soir, quoi. Donc ça en était là. Donc il y avait un certain respect. Et Steve Jobs, quand il a démarré Apple, il avait dit que son modèle, c'était Sony, dès le départ. Et là, je vous parle de ça. Allez, en 96, Apple, c'était déjà mort. C'était un truc, plus personne en voulait. Microsoft avait racheté des actions à Apple. C'était encore à l'époque des ordinateurs qui étaient beiges, qui étaient moches, avec des ordinateurs G3 qui étaient très vilains. Donc c'est là où moi j'ai démarré sur Mac là-dessus. Et donc c'est un petit peu l'arrivée des iMac de couleur qui a fait partir le truc. Mais avant qu'Apple devienne ce qu'il est aujourd'hui, il a fallu attendre l'iPhone, et pendant des années ils ont galéré avec l'action ne valait rien du tout. Sony était un exemple pour lui, puis à un moment il a dépassé Sony, et il y a toujours eu ces discussions entre eux, ce certain respect. Beaucoup de gens disent que Tim Cook c'est quand même l'enfant prodige de Steve Jobs. On connaît pas, je sais pas comment ça pourra se passer, mais il peut y avoir un rapprochement aussi par leur histoire, surtout qu'ils ont jamais été en conflit. Ils ont toujours été, et c'est vraiment des pièces qui peuvent s'emboîter parfaitement. Donc voilà, au niveau d'Apple, c'est s'il devait y en avoir un, le plus probable, ce serait eux, quoi. Alors après, on peut se poser la question du cloud. Parce que Apple, ils ont quand même des data centers. D'ailleurs, dans les data centers, c'est pas des petits data centers, c'est des data centers les plus écologiques qui est, mais qui coûtent je sais plus combien de milliards par pièce. Mais dont un qui est intégralement fait avec des panneaux solaires. Je crois qu'il y a 50 hectares de panneaux solaires juste pour alimenter le data center. Apple n'ont pas suffisamment de data center pour s'occuper du cloud à eux tout seuls. Ils louent à Amazon pas mal de data center. Mais après, par contre, ils ont les reins suffisamment solides et pour épauler. Niveau cinéma, ils sont intéressés pour Apple Plus. Les technologies, l'intelligence artificielle. On parle de Siri. Intelligence artificielle, ça pourrait être super. On sait que Sony sont très en avance sur l'intelligence artificielle. Ils ont vraiment des atomes crochus pour s'emboîter parfaitement, en fait. Et si ça arrivait, ça changerait complètement la donne. Parce que, alors, il y en a qui vont dire « Moi, je suis PC gamer, Apple, c'est de la merde, c'est un truc de riche. » Mais il ne faut pas oublier, c'est complètement con, en fait, de penser ça. Parce que, pour l'instant, on parle de PlayStation. Vous achetez une console. Là, finalement, il y aura un gros derrière. Mais ceux qui veulent avoir leur PC, ils achèteront une PlayStation et un PC. Ils ne sont pas obligés d'acheter un Mac. Par contre, ça amènerait une force de frappe qui serait totalement différente. Parce que Apple, s'ils veulent acheter un studio, ils vont l'acheter. Ils ont les ronds, quoi. Bien sûr. Donc voilà, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de possible. On verra par la suite ce qui se passera. En tout cas, ces deux-là... Ils ont... Mais Apple, ça les libérait aussi beaucoup de Samsung. Ils ont beaucoup de dépendance par rapport à Samsung pour les écrans, hein, justement. Alors, là, tu fais bien. Leur fameux écran Retina, hein, justement, hein, c'est Samsung qui leur produisent. Donc, alors après, de là à dire que tout de suite maintenant, Sony serait capable de tout fournir, d'avoir toutes les usines qui vont bien, etc., etc. C'est peut-être plutôt de l'ordre là, à l'instant T, hein, je veux dire, hein, de l'ordre du fantasme. Mais ils ont les ingénieurs, ils ont quand même des usines, ils ont des machines, ils ont énormément d'expertise pour fournir en écran Apple au fur et à mesure. Hein. On sait que Sony, malheureusement, ils ont quand même perdu, surtout sur le marché des smartphones. Hein, ils n'ont pas brillé comme ils ont pu briller avec comment ça s'appelait déjà cette marque qu'ils avaient lancé. Sony Ericsson. Xperia Ericsson, oui, voilà. Et puis après ça a été Xperia, ouais, c'est ça. Ils n'ont pas eu de résultats. Non, ça a jamais. Extrêmement probants. Ça a jamais vraiment décollé, mais bon. Leur téléphone reste pas dégueulasse quand même. Sony sont en galère face à Samsung sur les téléviseurs et Apple sont en galère face à Samsung sur leurs iPhones. Et puis les deux sont en galère face à Microsoft. Donc encore une fois, vous voyez, il y a encore un truc qui s'emboîte. Donc l'avenir nous le dira. En tout cas, ce serait pas étonnant de voir arriver ça, quoi. Et puis il y a autre chose, c'est au niveau du gaming justement. Apple ont toujours voulu sortir des consoles. Ils ont essayé d'en sortir une qui s'appelait l'Apple Pipin, qui a fait un carton, pas un carton, qui a fait un four complet. Je crois que la console, elle est sortie, elle est restée 3 mois, elle a fait ses cartons. Voilà, elle a jamais marché. par contre, le problème du Mac aujourd'hui, c'est que c'est des ordinateurs. Certes, mais on peut pas vraiment jouer sur un Macintosh. Il y a très peu de jeux, bien que ce soit compatible avec Steam, avec Epic Game Store, avec des choses comme ça. Il y a très très peu de jeux compatibles. Par contre, Apple pourrait avoir ainsi un store avec les jeux PlayStation, ce qui ouvrirait un petit peu le Macintosh aux jeux vidéo. Mais par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les Macintosh aujourd'hui fonctionnent avec des systèmes comme Parallel Desktop qui peuvent permettre d'installer nativement un Windows 11 ou un Windows 10. Et du coup, avec un Mac, on aurait accès à Steam en version PC, on aurait accès à l'Epic Game Store et on aurait accès au store PlayStation sur Mac. Donc en fait, avec un Mac, on aurait accès à plus de jeux que sur PC. Donc ça pourrait être aussi un élément pour Apple de se dire, on attaquera le jeu vidéo d'une autre façon. Et puis, autre chose, quand on vous dit quel est le plus grand revendeur de jeux vidéo au monde, c'est Apple. C'est pas Microsoft, c'est Apple via les iPhones. Avec les 30% de marge qu'ils récupèrent sur tout l'Apple Store, sur tous les jeux vidéo pour téléphone mobile. C'est aujourd'hui Apple le plus gros distributeur de jeux vidéo au monde. Donc là, bah, ils auraient en plus le mobile, ils l'ont déjà, ce qu'essaye d'avoir Microsoft avec Activision, mais en plus, ils pourraient récupérer le catalogue PlayStation qui serait pas, c'est pas quand même le petit catalogue, donc tout serait parfait pour eux cette situation, et surtout, ça servirait les deux. Mais ça servirait les deux, puis c'est vrai que pour revenir quand même sur la question du cloud, bon. Aujourd'hui, je pense que Apple, ils ont quand même une connaissance assez très très importante sur tout ce qui est logiciel, ce qui quand même n'est pas rien quand on veut créer des data centers. Et Sony ont des connaissances assez poussées en tout ce qui a à voir avec les microconducteurs, etc. Donc les deux ensemble pourraient pourrait faire quelque chose. Moi, je pense à ce fameux brevet de Marc Cerny, que Marc Cerny avait déposé sur les APU de la PlayStation 5 pouvaient s'emboîter entre eux pour ne faire qu'un. C'est justement ce genre de technologie qu'on recherche quand on veut se lancer à faire des data centers, quoi, à faire des gigantesques serveurs. Donc c'est pas, je veux dire, ça, ce qu'on dit là, c'est quand même pas de l'ordre de la science-fiction. Alors, bien sûr, hein, on l'a précisé en début d'émission et surtout en tout début de la partie du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. Si demain Apple était amené à racheter Sony ou à rentrer grandement dans les parts de la société, il se passerait un temps assez important avant que tout ça soit bien validé, soit bien par toute l'administration qui s'occupe de ce genre de choses. Mais surtout derrière, dans tous les cas, il y a toujours du temps qui s'écoule quand on commence à créer des projets. Enfin, je veux dire, iPhone n'est pas devenu iPhone dès le tout premier, et puis même avant ça, enfin, l'iPhone, il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Enfin, il y a toujours de la recherche et développement avant, ça prend du temps. Mais disons que sur un moyen et long terme, de l'ordre de 5 à 10 années, ça pourrait donner quelque chose de vraiment très, très, très, très fort, quoi. Sachant que vraiment, Apple, il cherche de plus en plus à avoir une indépendance matérielle. Aujourd'hui, maintenant, les Mac, c'est fini, quoi. Il n'y a plus d'Intel dedans, hein. C'est fini. Ils font leurs propres puces. C'est déjà le cas depuis longtemps dans leurs iPhones et dans leur iPad. Et ça va continuer à s'accélérer, quoi. Il faut compter 2 ans à peu près. Moi, je me rappelle Gaikai, qui a été racheté par Sony le 2 juillet 2012. Là, je l'ai sous les yeux. Il a été PlayStation Now a été annoncé le 7 janvier 2014. Donc, au moment du rachat, de la signature, il faut le temps de créer les technologies. Il faut compter 2 ans avant que ça arrive. 2 ans, ouais. Ouais, puis c'est ça. Alors, tu fais bien de le rappeler parce que c'est vrai que ça, j'avais oublié. Mais en effet, enfin, Sony, ils ont racheté Gaikai, ils n'ont pas disparu. Hein. Les mecs, ils sont toujours là, ils bossent. Aujourd'hui, très certainement, c'est eux qui sont derrière le PlayStation Now. Donc, ils doivent forcément travailler avec les gars de chez Gaikai, avec Azure, mm-hmm. hein, les mecs chez Microsoft. Donc, Sony, aujourd'hui, ils commencent aussi à avoir une certaine expertise du cloud gaming. Hein. D'ailleurs, on pourrait même dire que c'est les premiers, en fait, à s'être lancés dans les grands constructeurs de jeux vidéo, c'est les premiers à s'être lancés dans le service de streaming de jeux vidéo. Justement, le Game Pass, tout le monde en parle, mais quand même, le PlayStation 1 a déboulé début 2014. Il y a toujours on n'a pas parlé de ça tout à l'heure, mais cet alignement sur le Game Pass avec des jeux first party intégrés dans un Game Pass Sony. Alors, il y a quelques jours de ça, moi, j'aurais plutôt eu tendance à dire, j'en suis pas sûr qu'il y aura les jeux first party, parce que je trouvais que l'offre PlayStation Now plus PS Plus à 9,99 était intéressante face à un Game Pass Ultimate qui a le Gold, donc l'équivalent du PS Plus, et le Game Pass qui aurait l'équivalent du PS Now, moins les exclusivités, qui est à 12,99€. Donc, on sera 3€ en dessous. Maintenant, avec ce qui vient de se passer avec l'achat d'Activision, je comprends peut-être mieux Phil Spencer qui disait qu'ils vont être obligés de mettre leur first party dans un système de Game Pass. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas. Ça, c'est à voir. Ouais, après, en même temps, enfin, Phil Spencer dit ça juste avant d'envoyer. Avant d'envoyer la bombe atomique. D'envoyer la bombe atomique. Enfin, c'est pas dans, il s'est pas réveillé le lendemain matin. Il a appelé le patron d'Activision et puis on annonce qu'on se rachète aujourd'hui mutuellement. Enfin non, je veux dire c'est pareil. Ça, c'est des trucs qui sont sur des mois mois. Oui. Hein. Et puis aujourd'hui, son intervention là, c'est pareil. C'est j'arrive. Écoutez, oui. Je viens de discuter avec les petites Sony. Je les autorise à utiliser Call of Duty. C'est tout écrit, tout prévu. Tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. Bien sûr, c'est de la stratégie. Bah oui. Hein, je suis pas vraiment convaincu par le fait que Sony rende leur jeu first party. Ben, c'est ce que je me battais un peu là-dessus la dernière fois parce qu'on me disait bien sûr je suis tombé sur des tarés psychédéliques sur Twitter qui le Game Pass c'est l'avenir, c'est le top, et je leur disais mais attendez Sony ils peuvent pas faire ça, ils vont pas balancer et pourquoi ils le font pas, Microsoft ils le font, et les gens arrivent pas à comprendre que depuis 2013 Microsoft a perdu une bataille ce jour là et ça j'arrête pas de le dire, le jour de l'E3 2013 où ils ont voulu justement sortir une Xbox One qui avait un abonnement, c'était pas un abonnement, c'était on pouvait pas les jeux étaient fixés par un code sur la console, il fallait être connecté pour jouer à ces jeux, et là à cette époque tout le monde avait chié sur Microsoft en disant c'est inadmissible, chez Sony on va pouvoir continuer à acheter nos jeux, à les revendre d'occasion, et là aujourd'hui ils nous balancent un Game Pass, tout le monde applaudit. Pourquoi? Parce que c'est pas cher, parce qu'il y a l'appât du gain, c'est 10 balles, et puis t'as plein de jeux. Mais au final, c'est exactement la même chose qu'ils nous ont annoncé en 2013, mais surtout, c'est qu'en 2013, c'est là où Microsoft avait perdu la guerre avec sa Xbox One, et ils ont galéré pendant toute cette génération pour arriver à réparer les pots cassés, c'était trop tard. Et c'est pour ça que la PS4 a aussi bien marché, et que la Xbox One a marché un peu moins que ce qu'elle aurait dû marcher. Par contre, quand les gens me parlent du Game Pass, ce qu'ils comprennent pas, pourquoi Sony fait pas pareil, c'est que Sony, s'il faisait un truc comme le Game Pass en mettant ses jeux first party dans un Game Pass Sony, donc on va l'appeler Spartacus, dans un Spartacus Sony, s'il mettait ses first party, Sony perdrait de l'argent. La différence, c'est que Microsoft, qui était déjà bien plus bas, il ne pouvait que gagner de l'argent. Donc il y a une différence entre pouvoir gagner de l'argent et avoir une évolution de ta société, ou au contraire perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que si tu compares, alors j'ai eu le malheur de comparer un GTA, les ventes de GTA qui étaient à 7 millions sur une Xbox One, et qui étaient à peu près 19 millions sur la PS4. Bien sûr, les gens ils me disaient, mais c'est n'importe quoi, de toute façon, la PS4 et l'Xbox One, ça n'a jamais été, c'était pas comparable, donc là, c'est pas comparable. J'ai dit, mais si, on compare le même jeu. Puis là, on te parle de first party, toi, tu nous balances un jeu tiers. J'ai dit, ok, donc maintenant, on va mettre des jeux tiers, on va prendre un Halo, le premier Halo, il s'est vendu à 5 millions, et puis tu balances Spider-Man en face, c'est 20 millions, 4 fois plus. Maintenant, si Sony il décide de lancer un Spartacus, avec des jeux first party qui font 20 millions de ventes, parce que si tu calcules les 10 premiers de la liste des meilleures ventes de Sony, je te dis pas combien de millions ça fait. Il faut être rentable tout de suite, et il faut avoir tout de suite des abonnés qui arrivent pour rentabiliser ça. Là maintenant Microsoft ils ont 25 millions, mais au début ils avaient de l'argent à perdre, donc ils l'ont injecté pour pouvoir avoir une vitesse de croisière. Maintenant ça va devenir plus confortable pour eux parce qu'ils vont passer à 50 millions, puis à 75, puis à 100 millions. Et là après c'est une machine qui va tourner. Le problème de Sony c'est qu'ils sont pas du tout dans ce cas de figure là. Ils sont face avec les ventes qu'ils ont fait sur la PS4 de jeux, avant de devenir rentable, mais il leur faudrait pas 25 millions, il leur faut beaucoup plus. Donc ils vont passer plusieurs années à bouffer du fric en fait. C'est là où un investisseur comme Apple serait très intéressant. Et tout à fait, mais surtout que enfin Microsoft, hein, il me semble pas que le Game Pass pour le moment, hein, je pense qu'il faut aussi l'entendre. Alors après, beaucoup se diraient oui, mais bon, enfin qu'est-ce qu'on en a à foutre nous joueurs, ce qui serait pas faux, hein, parce que c'est pas, on pourrait dire que c'est pas notre problème direct, dans le sens où enfin aujourd'hui le Game Pass c'est pas rentable, hein, pour Microsoft. Hein. Non. Enfin, faut quand même pas l'oublier, hein, 25 millions. Alors bon, on se dit 25 millions, avec c'est des investissements de 70 milliards. C'est pas rentable. non mais c'est ça. Enfin, puis je veux dire, enfin 25 millions, sachant que le Game Pass, en vérité, il y a très souvent des promotions. Hein. Tu peux choper l'année du Game, enfin une année entière de Game Pass pour 50 € des fois. Enfin des trucs de barjot. Bon, t'as pareil chez PlayStation, hein, bien sûr. Hein. Et puis aussi chez Nintendo, même oui. si leur service est bien moins onéreux. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, enfin Game Pass, t'imagines que tu as 25 millions d'abonnés, ok, même si tu es 25 millions, ils payent leurs 10 $ tous les mois, ça fait 250 millions d'euros, enfin 250 millions de dollars. Ouais. Mais il y a des jeux, enfin, faut l'entendre, le dernier Red Dead Redemption, par exemple, Red Dead Redemption 2, c'est presque 1 milliard qu'il a coûté le jeu, en tout. C'était 800 et quelques millions de dollars. Donc, enfin, je veux dire, un jeu comme Red Dead 2, enfin, il faut pratiquement 5 mois. Ah, sur du first party, oui, il faut avoir les ronds pour. Oui, c'est clair. Enfin, arrête d'être deux. T'imagines bien que les mecs demain, Microsoft veut pouvoir faire un jeu de l'équivalent d'un Red Dead 2, donc avec mais forcément le même budget. Il leur faudrait 5 mois, quasiment 5 mois entiers de Game Pass, en imaginant qu'ils payent plus personne à côté, d'ailleurs, ce qui n'est pas vraiment pensable pour financer un jeu pareil. Alors, bien sûr, avec les 25 millions d'abonnés, mais ce qui veut dire quand même quelque chose. On disait que, tout à l'heure, tu disais que quelque part, Netflix, le Game Pass, ça serait Netflix. Ça serait l'équivalent de Netflix, et que par exemple, le futur projet de Sony, ça serait HBO. Comment dire ? Mais Netflix, aujourd'hui, c'est 200 millions, je crois que c'est 200 et quelques millions d'abonnés. Ils n'ont pas de la rentabilité qui est non plus extraordinaire. Et les séries Netflix, il y en a certaines aussi qui coûtent plusieurs centaines de millions de dollars. Hein. Donc, je veux dire, à un moment, il faut comprendre une chose. Hein, le jeu vidéo, aujourd'hui, et plus encore dans les mois qui vont venir, les budgets, ils vont exploser, éclater. Ouais. Ils vont éclater, et c'est pas pour rien si aujourd'hui, dans le domaine du divertissement, le marché du jeu vidéo aujourd'hui pèse plus que le cinéma, parce que maintenant il y a des budgets de jeux vidéo. Enfin, par exemple, le dernier Horizon, là, qui va sortir dans quelques semaines, enfin, même plus un mois maintenant. Février. Mais le 18 février, on est le 20 janvier. Enfin, Horizon Forbidden West, à mon avis, ça doit dépasser les 200. Enfin, c'est sûr, ça dépasse les 200 millions de dollars de budget. Hein. Donc, enfin, je veux dire, à un moment, non, le Game Pass, ça peut pas être. Enfin, le Game, enfin, pas juste le Game Pass, mais je veux dire le oh, comment on appelle ça, le mode d'abonnement comme ça à 10 $. D'ailleurs, pour le moment, hein, à 10 $ par mois. Ça peut pas être la seule chose sur le même pour Microsoft, en vérité, in fine, hein, aujourd'hui eux ils gagnent pas d'argent, les éditeurs qui viennent dessus ils doivent quand même pas gagner Byzance par rapport à ce que eux aussi ils investissent, hein. Surtout en plus qui font l'avance sur certains jeux. Donc c'est des commandes qui passent pour le Game Pass, ils payent d'avance. Bon, alors là-dessus ils vont gagner de l'argent un petit peu à la manière de ce qui s'est passé avec ah merde, j'ai bouffé le nom, la série de fous coréenne là qui a fait un carton, Squid Game. Où ils signent un contrat. Bon, tu me fais 10 épisodes pour la saison 1, je te donne tant. Le type, il a fait un carton interplanétaire, il a pas gagné un centime de plus. donc j'espère qu'il va bien négocier sa saison 2, parce que sinon le type il disait le réalisateur a carrément dit j'ai assez pour manger mais je n'ai pas gagné un centime de plus, donc ils lui ont payé d'avance, et c'est ce qui se passe passe avec un abonnement Game Pass, c'est que ils ont cet argent qui rentre, mais dans cet argent il faut qu'ils dégagent du bénéfice, et en plus il faut qu'ils dépensent pour la création de contenu. Donc il y a les studios first party qui vont coûter de l'argent, hein, bah, ils coûtent déjà de l'argent parce qu'il y a déjà 70 milliards qui sont sortis, donc il va falloir rentabiliser ça. C'est là où je me dis s'amuser à Call of Duty, le chiffre d'affaires de Call of Duty, il était aussi fait sur PlayStation. Donc s'ils veulent rentabiliser ça qu'avec des exclusivités sans passer par PlayStation, ils vont encore bouffer des ronds. Donc il va falloir qu'il y ait énormément d'abonnés, je disais 100 millions, mais maintenant je dirais même 200 millions, pour arriver vraiment à rentabiliser tout ça. Et c'est cette mécanique, c'est à ce moment-là où je dirais que la mécanique est fragile, c'est parce que tant qu'ils n'auront pas atteint ce seuil de nombre d'abonnés qui va les autofinancer sur l'ensemble de leur production, ça sera délicat pour eux. Les gens ont vite fait de dire bah, ils n'ont qu'à faire ça, mais ce n'est pas si simple en fait. Et non, puis surtout que Sony, eux, ils n'en ont pas l'intérêt. Enfin, aujourd'hui, c'est ça, Sony, c'est ça. Leurs exclusivités, ils les vendent. Quand ils ont sorti le PlayStation Now en 2014, Sony en 2016, ils auraient pu se dire allez, on va mettre des first party. Ils ne l'ont pas fait. Et ils savaient pourquoi ils ne le faisaient pas, parce qu'ils savaient qu'ils gagnaient de l'argent en vendant leurs jeux, je vais dire normalement, quoi, en boîte ou en démat, mais en vendant leurs jeux comme ça. Si maintenant ils y vont pas parce qu'ils voulaient y aller, ils y vont parce qu'ils y sont forcés par Microsoft. Et c'est en ça que la vidéo du Game Pass critiquait Microsoft, c'est parce qu'en fait, ils poussent tout le marché avec eux. Alors qu'il y en avait qui ne voulaient pas forcément y aller. C'était le truc qui m'avait un peu gonflé, qui me gonflera toujours, parce que quand il y a un acteur qui modifie à lui tout seul tout un marché, c'est des trucs qui ont tendance à me foutre des boutons, en fait. Ouais, non, mais c'est sûr, hein. C'est sûr. Mais là même, parce qu'on parle de Spider-Man, oui, qui a 20 millions, mais fin août 2021, donc ça commence à faire quelques mois, mais c'est quand même il n'y a pas longtemps, God of War, il s'est arrêté à 19,5 millions d'exemplaires aussi. C'est ça. Donc là, il est ressorti sur PC. Il y a God of War Ragnarok qui va arriver et on peut parier que ça va forcément refaire des ventes aussi sur les PlayStation, que ce soit les PlayStation 4 ou mais aussi les PlayStation 5, du coup, vu qu'il y a quand même deux modèles. C'est sûr que pour Sony, l'intérêt, il n'est pas... je dis pour Sony, mais même pour Nintendo, hein, pour Nintendo aujourd'hui, c'est quoi, ça serait quoi leur intérêt de lancer un Nintendo Pass ou un Nintendo Plus, qu'importe, dans lequel tu paierais 10€ tous les mois, et dans lequel tout le nouveau Zelda, le nouveau Mario, tout ce qu'on veut, tu l'aurais directement. L'intérêt, il est... Puis après, faut comprendre quelque chose derrière tout ça, c'est pas juste... parce que moi, in fine, derrière Sony, les grands pontes de Sony, tout ça, je dis moi, mais même je pense toi aussi, Laurent, on s'en fout un peu. Oui. Nous, derrière, ce qui nous intéresse, surtout, c'est la pression qu'il y a sur les studios, en vérité. C'est ça, ouais. Parce que demain, si t'as plus qu'un abonnement, le cadre, c'est des projects. T'imagines, avec Cyberpunk 2077, je veux pas faire de débat là-dessus, hein. Mais je veux dire, aujourd'hui, ils ont quand même pu absorber cet échec, parce qu'à côté de ça, ils ont The Witcher 3 qui s'est vendu aujourd'hui à quasiment 40 millions d'exemplaires, que quand même Cyberpunk, c'est une vingtaine de millions de jeux qui a été vendu, et donc derrière, quand même, quand tu vends une vingtaine de millions de jeux, ça te fait quand même pas mal de revenus, malgré tout, qui rentrent. Ça, demain, ça sortait dans un service Game Pass avec tous les bugs qu'il y avait. Dans quel état se retrouve le studio, en fait? Dans un Game Pass, le studio est payé d'avance. Donc, en fait, justement, le problème, c'est qu'ils auraient plutôt tendance à en avoir rien à foutre derrière, parce qu'ils sont payés. Et ils gagneront peut-être pas forcément plus. Ils sont quand même vachement payés par le revenu sharing, quand même. C'est dans le contrat qu'ils vont signer. Hein. Ils vont signer une somme de base, et puis après, ils vont signer peut-être un... Alors, pour les plus gros studios qui auront le plus d'influence, ils vont arriver à faire signer une clause comme quoi, au nombre de vues, ils auront un petit centime, un peu à la YouTube. Mais si ça se passe comme Netflix, le mec, il a lancé lancer sa série. Si tu te mets, par exemple, tu te dis, tiens, il y a un Eric Chahi qui a 18 ans, qui arrive avec son jeu. Il arrive dans le bureau du banquier de chez Xbox, qui va vouloir mettre sur Game Pass. Le mec, il va lui dire, bah, ton jeu, il marchera pas. Ton jeu, bon, allez, tu vas tirer, tiens, je te donne 200 000 euros. Tu vas pouvoir vivre pendant 4 ans avec tes 200 000 euros. Le mec, il va sortir son jeu. Et là le Another World, il fait un carton interplanétaire. Il rapporterait des millions. Et ben, le petit jeune, il va se faire niquer. Il va avoir signé le truc pour le Game Pass. Il n'aura pas un centime de plus. Et c'est là où en fait, Microsoft présente la chose en disant que c'est prouvé, ça aide les petits développeurs. Mais bien sûr, un petit développeur qui va se dire, moi je fais un jeu qui va pas forcément bien marcher, grâce au Game Pass, je vais gagner directement la somme, je prendrai pas de risque. Mais par contre, le mec qui va faire un petit jeu, qui va faire un carton, en fait, t'as une chance dans ta vie de faire un truc qui va marcher. Quand tu fais un Minecraft dans ta vie, c'est fini, t'en feras pas deux. Quand tu fais un Tetris, quand tu fais un Another World, quand tu fais un truc, si ça a le malheur de marcher, en passant par ce système-là, tu es cuit, quoi. Donc après, t'as les gros studios qui, eux, vont arriver, et eux, ils ont du bagou, ils ont des avocats, ils ont ce qu'il faut, ils vont arriver, on dit, hop, hop, hop, là, tu me donnes ça. Tu veux pas? Bon, bah, je vais voir à côté. Mais en plus, je veux, sur le nombre de vues, ils vont arriver à négocier. Donc, en fait, les gros studios vont pas avoir cette pression avec le Game Pass. Eux, ils sont déjà implantés, ils sont solides. Par contre, le petit qui va arriver, qui rêve de faire un carton, bah, tu vas avoir ceux qui vont un petit peu comme les musiciens aujourd'hui qui crèvent la dalle sur iTunes et compagnie. Parce que c'est toujours les gros qui sont bien payés parce qu'ils ont des producteurs, ils ont des trucs, dans la musique. Et bah, là, ça va être pareil. Ça va être les petits studios qui gagnent pas grand chose, ils vont être contents, ils vont repartir avec leur chèque. Ah bah putain, j'ai 200 000, je vais pouvoir payer mon futur jeu pendant 2 ans, je vais pouvoir bouffer au SMIC pendant 2 ans. Cool. Mais par contre, s'ils ont le malheur de faire un. Et est-ce que quelque part, ça va pas inciter ces petits à dire à quoi ça sert que j'essaie de me casser le cul à faire un truc qui peut marcher parce que j'aurai rien de plus. Donc autant faire de la merde, enfin autant faire un truc de base. Comme ça, je sais que je gagnerai l'argent pour le truc de base que j'aurais fait, de l'alimentaire en fait. Et c'est là où ces systèmes me dérangent. Et ça, les gens l'ont pas forcément compris encore. Et ils le comprendront pas parce que le joueur, qu'est-ce qu'il veut? Il vous fout 10 balles et avoir un catalogue, une infinité de jeux. Moi, ça me rappelle énormément les années Nintendo DS avec les DS Linker où tu avais 300 ou 400 ROM installés sur la Nintendo DS. Au final, tu joues à rien. Tu essayes un truc de 5 minutes par jeu et puis tu sautes de jeu en jeu. Et au final, tu ne joues plus à rien. Là, moi, aujourd'hui, c'est sûr qu'un un cyberpunk qui sort, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont fait un truc qui n'était pas abouti sur PS4 et sur Xbox One. Ils se sont fait critiquer de partout. Le cours de bourse de CD Projekt s'est cassé la figure et ils sont obligés d'interagir parce que là, ils ont touché directement le joueur. Avec un système comme le Game Pass, ils ont signé un contrat. Ils vont toucher un pactole au début. Ils vont avoir peut-être sur le nombre de jeux, mais le nombre de vues, les gens, ils ont l'abonnement. Donc, ils vont y jouer. Ils vont pas dire, ils vont y jouer, en fait. Donc, mais qu'ils soient nuls ou pas nuls, ils vont y jouer quand même. Donc, ils auront leur argent. Du coup, le cours de bourse de CD Projekt, il va pas bouger. Et ce qui veut dire qu'avec ce système-là, c'est aussi une incitation à faire des jeux qui seront pas forcément très bien finis ou alors qui auront un très joli premier niveau. Et puis les derniers niveaux seront bâclés parce qu'ils diront de toute façon personne ne va le finir. Et même les critiques au niveau de la presse jeux vidéo, à quoi ça sert aujourd'hui de faire un test de jeux vidéo pour un abonnement où tout le monde y a accès? Tu veux voir qu'est-ce qui vaut le jeu? Bah va y jouer, je ne vais pas te donner une note, je ne vais pas le tester, ça ne sert à rien. Donc ça va impacter beaucoup de gens. Et ça, bah les gens, il faut pas le dire, c'est pas bien. Bah nous on le dit parce qu'on s'en fout, parce qu'on a rien à gagner. Mais c'est un truc qui va poser peut-être des soucis plus tard. Et ça, les gens raisonnent pas suffisamment là-dessus sur l'avenir en fait de ce que ça va devenir. Et y compris parce que là ils ont ouvert la boîte de Pandore. Maintenant, on sait que Sony ils vont certainement y aller. Donc moi, ce que j'espère maintenant, c'est que finalement, c'est que ils lient le Game Pass et le PlayStation Now. À 9,99€, c'est correct. Ce que j'apprécie dans ce genre de système de vente, c'est que le jeu sorte, il fait un début de vie, en fait. Donc, il marche pas. Mais par contre, s'il a pas trop bien marché, ou même s'il a marché, quand les ventes sont terminées, il a une deuxième vie dans ce type d'abonnement. Et là, ça relance les studios pour qu'ils gagnent encore de l'argent. plutôt que de les balancer first party day one, où là tout le monde va se jeter dessus, alors qu'ils auraient pu faire plus d'argent en fait en le vendant séparément au départ. Et j'espère que Sony vont s'orienter là-dedans, mais ils pourront peut-être pas justement parce que en face il y a Microsoft qui fait ça, donc il y a peut-être un moment où ils vont être obligés de faire la même chose. Finalement, cette décision de Game Pass chahute tout le marché et incite tout le marché à aller dans cette direction en fait. Et ça va uniformiser tout le marché et c'est ce que je crains. Ah non, c'est vrai. Il y a aussi clairement ce côté-là quoi. Après, je comprends hein, le truc de dire oui, bon ben. Enfin, j'ai quand même du mal, tu vois, à me dire qu'un Microsoft, alors j'ai pas le budget de combien coûtait Cyberpunk 2077, mais je pense pas qu'ils vont signer un contrat à 500 millions ou 600 millions de dollars pour chaque gros jeu comme ça, tu vois. Enfin, alors on se dit oui, bon, ils ont bien lâché 67 et quelques milliards, enfin, d'accord, mais ils vont pas pouvoir lâcher comme ça, pour chaque jeu, ils vont pas pouvoir que lâcher comme ça des centaines et des centaines et des centaines de millions de dollars sur chaque jeu. C'est ça, le souci, c'est que c'est sur une estimation de ce que tu peux vendre. Ouais. Qui peut prédire l'avenir aujourd'hui? Donc, voilà, c'est ultra bancal voilà, comme truc. Hein. Tu vas arriver, tu vas dire, bon, j'ai un Call of Duty, ah, Call of Duty, trop cool, ça se vend toujours à tant de milliards, je te donne tant. Ok. Sauf qu'il y en a un qui marche plus, bah, le coup suivant, tu reviens et on dit, hop, c'est fini là. Dernière fois, j'ai perdu de l'argent. Maintenant, c'est toi qui vas en perdre. Mais le petit, on parle toujours des petits développeurs, le petit Eric Chahi de 18 ans qui va arriver, mais il va se faire plumer, il va se faire défoncer le mec. Parce qu'on va lui dire, tiens, je te donne ça parce que je suis trop gentil, tout ça. Mais le type, si son truc fait un carton, tu fais quoi? C'est sûr. Non, mais vraiment. Ouais. Mais après, ouais, c'est vrai que tu l'as bien présenté, Laurent. C'est vrai que au-delà de ça, en vérité. C'est vrai qu'on peut aussi se poser la question de le Game Pass va en fait encore plus facilement protéger les gros éditeurs des critiques en fait hein, oui. qui a pu avoir comme par exemple sur Far Cry 6 hein, enfin moi c'est un des derniers exemples qui m'avait vachement interpellé et donc ouais c'est c'est vrai que bon, tu te dis, tu vois, c'est encore donner plus de pouvoir comme ça au. Et en même temps, quand on y pense, c'est vrai que les jeux un peu. Les jeux à la Ubisoft, c'est des jeux qui vont très bien quelque part avec le modèle Game Pass, quoi, c'est-à-dire le modèle de la consommation, hein, en vérité, qui est aussi très effrayant. Hein, moi qui suis quelqu'un qui aime beaucoup les jeux From Software par exemple mais quel avenir ils auraient dans ce genre de service hein, c'est ou The Last Guardian aussi hein, ouais. Pareil aussi que j'avais enfin quel avenir pour ces jeux-là, c'est des jeux qui n'ont pas du tout de ou même un The Last of Us hein, pour le coup enfin The Last of Us Uncharted quel avenir ils auraient quoi enfin je veux dire les jeux au bout de c'est bon tu vois tu au bout de 20 heures et au bout de 20 heures ils sont finis enfin face à des jeux bah, justement Call of ou qui se jouent en ligne ou les mecs qui jouent je sais pas moi les mecs qui jouent en ligne je sais pas sur une année entre chaque Call of Duty doivent faire au moins 1000 heures ouais 1000 heures dessus quoi. Enfin, 20 heures vs 1000, enfin, qu'est-ce que tu... enfin, c'est quand même... C'est une autre façon hyper de consommer le jeu vidéo. Certes, c'est intéressant pour le joueur, ça, on ne peut pas y cracher dessus. Hein. Le joueur qui n'a pas trop de sous, on lui donne 10 balles par mois et il a plein de jeux. C'est génial. Plutôt que lui augmenter son salaire. C'est ça, c'est un autre débat. Mais c'est super. Par contre, c'est vrai que ça peut poser des soucis. Et que ce qui me dépasse, moi, c'est que les gens ne veulent même pas parler des soucis potentiels. C'est ça qui me dépasse en fait, parce que tu es pas en train de dire que ça va se passer, tu dis qu'il y a un risque que ça se passe. Et le simple fait de dire ça tout de suite, tu te fais égorger quoi. Mais on s'en fout, on continuera à le dire. Donc. Bien sûr. Et ça c'est l'aliénation. non, mais tout à fait. Mais ça c'est l'aliénation. C'est l'aliénation à tous ces trucs là quoi. Je veux dire, les gens, on a l'impression que. Enfin, ouais, calmez-vous, quoi. Vraiment, ça reste du jeu vidéo. Hein. Je veux dire, on est entre personnes qui adorent le JV. On s'en fout de savoir. Nous, forcément, enfin, nous, on adore la VR. Et la VR, aujourd'hui, sur console, elle est sur PlayStation. Bon, et Nintendo, ils ont fait un petit essai. Mais enfin, voilà, quoi. Donc, mais non, c'est sûr. D'ailleurs, pour rendre hommage à Nintendo, c'était même les premiers à être partis là-dessus. Hein. Pour l'instant, oui, ils sont un petit peu à l'écart. Nintendo, c'est marrant parce qu'ils font pas de bruit, personne n'en parle, mais ils sont aussi concernés. Mais Facebook, Mark Zuckerberg, il y a un moment où il va se retrouver confronté face à un Microsoft qui va essayer de le bouffer, parce que si un jour il décide d'arriver en VR, Facebook, il risque d'y avoir des soucis aussi. Donc c'est vraiment une prise de position qui concerne tout le monde dans le jeu vidéo, qui peut modifier tout un marché. Et quelque part, moi, je serais plus OK pour de la diversité, justement. Microsoft, on fait ce choix-là, bah, certes qu'ils le fassent. Par contre, que les autres soient pas obligés d'y aller aussi comme ça. Et c'est un petit peu, alors c'est un peu forcé en fait, parce que ils ont pas le choix de le faire. Sinon, ça va être une cata quoi. Si tout le monde part sur ses abonnements, Sony vont suivre, tout le monde va suivre en fait. Et après, tout le monde aura ça. Quand Phil Spencer se positionne carrément en parlant d'un service PlayStation qui est même pas encore annoncé, faut quand même pas oublier que ça c'est des fuites que chez Bloomberg, que des journalistes de Bloomberg ont eu, pardon, et ils en ont fait un article. Donc, enfin, je veux dire, pour l'instant, il y a rien d'officiel de la part de Sony ou de PlayStation sur ce fameux projet Spartacus. Donc, c'est sûr. Et Phil Spencer, il arrive la veille du rachat d'Activision Blizzard. Et King d'ailleurs, et le mec il dit bon, ben moi je pense que de toute façon qu'à terme leur jeu first party ils sortent day one directement dans leur Game Pass à eux et sur PC quoi. Donc ce qui moi je pense c'est pas du tout la stratégie que c'était donné PlayStation aujourd'hui hein. PlayStation aujourd'hui ils ressortent au cas par cas des jeux qui ont des années et des années et des années, qu'on fait les beaux jours de l'ancienne génération, parce que pour l'instant ce ne sont que des jeux d'ancienne génération qui sortent sur PC. Et voilà, alors après c'est sûr, hein, maintenant aujourd'hui le marché du jeu vidéo il est tellement énorme, il faut que Sony, il se positionne un peu partout, sur le mobile, sur le PC, non, mais c'est sûr. Aussi. Sur le PC, sur le mobile, non, mais bien sûr, partout. Mais dans le même temps, les mecs, ils n'ont pas oublié non plus d'où ils venaient, quoi. C'est-à-dire qu'ils viennent du marché de la console. Et d'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal, des fois, on pourrait se dire de la part de Microsoft. Enfin, paradoxal et non, en vérité. Hein. C'est qu'on voit quand même qu'ils ont quand même vachement réinvesti, quelque part, la conception des consoles. On ne peut pas dire que la Xbox Series S ou la Xbox Series X sont des consoles qui sont mal pensées, qui sont mauvaises, qui sont bien loin de là. Hein. Ils y ont mis des moyens. Et aujourd'hui, alors que Microsoft, ils sont là à fond sur xCloud, les jeux sur PC, ceci, cela. En vérité, aujourd'hui, ils n'ont jamais fait un aussi bon démarrage, malgré les pénuries, de vente de consoles qu'aujourd'hui. C'est vrai. Donc ça veut bien dire que le marché console, les consoles, ça reste du matos qui est fait et développé spécifiquement pour le jeu vidéo. Enfin, je veux dire, à un moment, si demain on avait que du jeu sur PC ou sur mobile, enfin, on ferait comment pour avoir une DualSense, par exemple, qui est un truc qui soit vraiment intégralement pensé. Alors oui, tu pourrais avoir une manette avec des gâchettes adaptatives, mais dans un marché où il y aurait que des jeux qui seraient pensés pour l'universalité de tous les mobiles, de tout ce qu'on, enfin les mobiles de toutes les configurations PC et différentes. Qu'on a en VR en fait. Quel serait le... Oui, tout à fait. Oui, avec le Quest 2 par exemple. En tout cas, quand il est en automne, Exactement, ouais. Donc qu'est-ce qui se passerait ? On a besoin de matos prioritaire. Clairement, on a vraiment besoin de matos prioritaires. Moi, ça me rappelle CD Projekt avec The Witcher 3 qui répondait aux mecs au PC Master Race, parce que bon, il y a peut-être pas que des mecs d'ailleurs dedans, et qui disait le jeu il est downgradé en version ultra sur PC, tout ça c'est à cause des consoles, etc. Puis t'as un dev qui est arrivé qui avait dit non mais les gars calmez-vous, en fait on n'aurait pas eu ces consoles, le jeu on n'aurait pas pu le faire. Donc, voilà quoi. Donc, à un moment, je pense qu'il faut. Sachant quand même que la PS5 est la. C'est ça, exactement. Sachant que pour le coup, la PS5 et la Series X seront beaucoup moins, largement moins même, des entre guillemets sous PC, comme les PC Master Race le disaient, des PS4 et des Xbox One. Donc, c'est sûr et certain. Puis, ouais, pour nous, pour la VR, aujourd'hui, on n'aurait pas eu un PlayStation, on n'aurait pas un Sony. On serait, c'est des expériences, Bah, on m'a compris, il n'y a pas d'expérience au sens les jeux qu'on a eu globalement sur le PSVR. Mais je veux dire des nouvelles expériences de jeu, quoi. Bon, puis après, je suis un peu méchant quand même. On a eu des vrais jeux hein, sur le PSVR, mais c'est juste pour dire, bon, les gars, maintenant sur le PSVR 2, là, faut vraiment y aller, quoi. On a besoin, là, de. On a besoin vraiment que, on a vraiment besoin que ça y aille à fond. On en a vraiment besoin quoi. On veut plus des modes, on veut plus des modes dans Gran Turismo Sport, etc. quoi. Même si c'était cool, je dirais jamais le contraire. Donc ben voilà, beaucoup de questions quand même sur sur ce rachat d'Activision et puis surtout ben on est en train de vivre un moment quand même qui est historique, c'est du jamais vu des rachats de cette taille-là, l'arrivée des GAFAM, le marché va changer, le marché du jeu vidéo ne sera plus ce qu'on a connu. Que sera-t-il plus tard? Ça, personne n'est là vraiment pour le savoir, on ne le sait pas non plus. Par contre, ben, on a le droit de s'interroger, de se poser des questions sur le devenir de ce marché. Justement, ce serait grave de ne pas s'en poser. Donc, tout ce qu'on a à dire, ben, pour l'instant, c'est qu'on va voir ce qui va se passer plus tard. Est-ce que Apple va racheter des parts de Sony? Est-ce qu'un autre GAFAM va acheter des parts de Sony? Est-ce que Sony va réussir à s'en sortir? Est-ce que Sony ne réussira pas à s'en sortir? C'est autant de questions qu'on va voir l'évolution, tout simplement. Et puis on en reparlera dans les prochains podcasts. Donc ce podcast est maintenant terminé, émission 74. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Deezer, Spotify. De pas hésiter de laisser un petit commentaire parce que ça nous aide à référencer justement les podcasts. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur le site internet avec des articles, des dossiers vidéo. Il est possible d'ailleurs qu'on vous fasse un petit dossier vidéo sur ce sujet dans pas très longtemps. Et voilà, ben, je vous dis à très bientôt. Merci Johan. Ben, merci à toi Laurent, merci à Sei. Ça a fait plaisir de revenir. Et puis, voilà, quoi, une superbe émission comme d'habitude. Voilà, ben, on espère qu'elle vous a plu. Et puis on vous dit à très bientôt autour d'un verre. Ciao. Ciao, ciao.